Brochure parue sur l'automédia de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, zad.nadir.org, et qui a été faite en février 2018, qui s'intitule « Le mouvement est mort, vive la réforme ». Et c'est une critique de la composition, entre guillemets, et de ses élites. Ça commence par des citations approximatives. Première citation, « Je ne cherche pas les conflits stériles, mais ne voudrais pas d'une fausse paix sociale, même un jour de fête. » Citation de « Hop, hop, hop ». Et la deuxième citation, « Il faut que tout bouge pour que rien ne change. » Proverbe réformiste. Il est indiqué sur cette page aussi que pour les retours critiques ou des propositions de traduction, il y a un contact qui est puscule, P-U-S-C-U-L-E, @riseup.net. Et voici donc. Ce texte a été écrit durant l'automne 2017, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Depuis, la situation a été bouleversée par l'annonce le 17 janvier 2018, de l'abandon du projet d'aéroport par le gouvernement. Il pourrait sembler obsolète de le publier après la victoire, mais, malgré l'importance qu'a cette lutte pour moi, il se trouve que je n'ai pas fêté cette victoire. Je suis probablement trop méfiant et pointilleux sur les enjeux qui se cachent derrière. Dans cette période difficile pour les luttes sociales, la lutte contre l'aéroport a pris l'allure d'un symbole face à l'offensive capitaliste, comme la lutte à ne pas perdre dans un océan de défaites. Alors en tenter une approche critique, c'est souvent se confronter à un réflexe de défense d'une vision idéalisée. Eh bien, tant pis. Ce texte s'adresse à qui veut questionner la victoire, entre guillemets, et aller fouiller un peu plus en profondeur dans ce qui se joue ici. D'une part, parce que la fin de la lutte contre l'aéroport laisse le mouvement orphelin, voire mort, et donc face à une situation nouvelle. Or, même si elle est nouvelle, elle restera la suite de ces longues années de mélange et de conflits entre différentes tendances politiques, avec leurs différents objectifs et moyens dans la lutte. D'autre part, parce que les derniers mois qui ont précédé cette victoire historique, entre guillemets, ont beaucoup à raconter pour contribuer à une culture de lutte en général, et parce qu'on peut déjà imaginer le rayonnement glorieux et éternel que beaucoup vont donner à cette victoire. Première partie, novembre 2017, Notre-Dame-des-Landes. Le climat est particulièrement tendu sur la ZAD ces derniers mois. Bien sûr, avec l'habitude, on pense encore et toujours à la menace de l'attaque de la zone par l'État, mais il s'agit surtout de tensions internes au mouvement de la lutte contre l'aéroport. En fouillant dans les mémoires, on arrive à se souvenir de nombreux moments de conflit visibles entre deux approches très différentes dans cette lutte, qu'on pourrait caricaturer par les deux slogans, d'une part les citoyens vigilants, côté coordination des opposants, la corde, avec leur décideur, réfléchissez encore un peu, et d'autre part, par les occupants et occupantes, côté groupe et individus autonomes, avec leur résistance et sabotage. Alors, on se dit, bon, c'est vrai que l'unité, c'est forcément un peu plus compliqué que ce qui en est dit, et c'est normal. Mais il existe un autre endroit de conflit dont on parle très peu en dehors de la ZAD et qui prend pourtant énormément de place dans le quotidien sur place. Il est interne au mouvement d'occupation lui-même. Conflit de voisinage et de pratiques, d'idéologie et de stratégie, de pouvoir et de moyens matériels. On dira que ça aussi, ça doit être compliqué, vivre à des centaines et réussir à s'organiser ensemble. On peut en effet y voir des conflits du quotidien qui sont d'ordre matériel, affectif, d'attention à l'autre, de territoire, etc., avec toute leur complexité, et aussi cette richesse d'apprendre à réintégrer les embrouilles comme partie de la vie sans l'intervention de la loi et de l'État. Mais en y regardant encore plus précisément, ce qu'on retrouve, ou ce qu'on trouve, ce sont des conflits politiques entre des objectifs politiques et des moyens pour y arriver, que ce soit sur comment mener spécifiquement la lutte contre l'aéroport ou plus largement sur comment on se confronte à son monde. Ce monde, c'est celui qui a besoin de cet aéroport et de tant d'autres dispositifs de développement et de contrôle. Ce monde qui est basé sur des inégalités de ressources et des systèmes de domination des uns et des unes contre les autres, sur les autres, et donc que les uns et les unes et les autres n'ont pas le même intérêt à combattre. Dans cette complexité électrique, le risque est grand de trop simplifier la situation en essayant de la démêler ou de jouer sur des caricatures binaires pour avoir des chances de séduire. Je tiens à préciser que je ne cherche pas d'adhésion à mon analyse pour constituer une force gna gna gna gna gna. Pas de crainte à avoir de ce côté-là, je parle enfin avec les deux pieds hors de la ZAD, même si mes liens m'y mènent souvent. Ça fait des mois que j'ai déserté les assemblées du mouvement, scénarisé à l'avance, et aucune intention d'y retourner, sauf peut-être pour contribuer, avec d'autres, à perturber leur verrouillage. Mais une certaine rage, amère au ventre, me pousse à taper dans la fourmilière, comme une manière de ne pas partir seul et en silence, et pour tous et toutes les autres participants et participantes de cette lutte qui sont déjà loin. Je ne cherche pas non plus à convaincre des personnes qui se sentiraient visées par mes critiques. Elles ont déjà de nombreuses occasions de se rendre compte de ce qu'elles font et des bénéfices qu'elles en tirent. Je cherche à soigner mes blessures, dues à ce que j'ai mis de moi, avec d'autres, dans la lente et laborieuse construction de cette lutte et comment elle a été réorientée ces dernières années. Je cherche à dire combien ce qui s'est joué là est important pour moi. Mon intention n'est pas de fragiliser l'immense majorité des occupants et occupantes qui font encore face quotidiennement à la normalisation en cours de la ZAD, en tentant d'y garder ce qui leur fait sens, ni des innombrables personnes invisibles qui la font vivante. De mon côté, je n'ai pourtant jamais eu de doute sur l'issue. La belle victoire dans un monde qui demeure intact n'est toujours qu'une nouvelle réforme pour le rendre plus solide. Je m'étais préparé à ce que certains tentent d'avoir ce bon air alternatif et respectable pour durer et en tirer un bénéfice personnel. Je connaissais le virage ultime de fin de lutte. Cette tendance systématique et génétique de la gauche, syndicale ou citoyenne, vers le retour à la normale par une validation de l'État. Je n'avais tout simplement pas vu par où passerait l'inévitable réformisme cette fois, discrètement mais sûrement, là où on parle pourtant d'insurrection et d'autonomie par milliers d'exemplaires. Alors me voilà, à tenter de nommer ça en pensant aux personnes qui se confrontent dans leur lutte aux mêmes dynamiques de pouvoir, souvent portées par les mêmes tendances, mais pas que, et qu'on continue à se refiler des billes pour y faire face. Ce que j'ai à dire ici est un paquet d'idées partagées depuis des années, en discutant sans arrêt de ce qui nous traverse avec des personnes impliquées ici ou ailleurs. Ça m'a beaucoup inspiré de lire la colère ou les blessures exprimées régulièrement dans le ZAD News, l'hebdo de la ZAD, ou dans la brochure de la bile sur le feu, diffusée sur la ZAD au printemps 2017. Bien sûr, c'est toujours plus facile d'invalider le fond d'une critique jugée trop agressive, ou qui ne suit pas les codes militants. Chacun chacune choisit comment se mentir à soi-même. Moi, je sais combien ça me fait du bien d'entendre d'autres réussir à briser le tabou d'un linge sale à laver en famille, par l'humour acide, l'argumentaire froid, ou la rage comme elle vient. Je passerai moi aussi probablement par ces différents états au cours de ce texte. En mettant bout à bout toutes ces contributions, on obtient une longue suite de petites arnaques qui semblent insignifiantes et anecdotiques, mais qui sont si diverses et si répétitives qu'on finit par s'y sentir cerné. Alors ça fait penser au lent processus nécessaire pour sortir d'une relation d'emprise, pour se renforcer en reliant les multiples humiliations qui forment un brouillard si difficile à dire. Dans ce texte, je voudrais parler de fond. Je ne prétends pas à réussir à ne pas caricaturer, et j'ai aussi ma dose de bile à cracher, mais je me dis que qui veut pourra prendre ce qui lui parle. J'aimerais nommer des mécanismes et des perspectives qui ne seront jamais assez critiquées. Je veux le faire de manière plus large qu'au niveau interne du ZAD News, parce que je trouve qu'il y a un manque de contribution vers l'extérieur, autre que les « regardez comme on est fort » ou « on est avec vous ». Bref, un peu de conflit et d'analyse, ça ferait pas de mal. Ou alors plutôt si, peut-être, là où il faut. Je choisis de donner publiquement mon point de vue sur cette situation parce que je considère que les conséquences du silence sont plus nocives que celles de dévoiler quelques points faibles et conflits internes qu'on prétendrait cacher à l'ennemi. Ainsi, je parle de la ZAD parce que j'en viens. Je pense que cette lutte, comme chaque lutte, a des enseignements à porter à partir des conflits qui la traversent, des analyses qui s'y affinent, plutôt que dans les fameuses unités de la lutte et diversité des tactiques. Celles-ci sont scandées comme des piliers, alors qu'elles ne sont que des étendards pour construire une légende. Et à l'inverse d'une probable intention de départ, faire une lutte modèle à partir d'un mensonge pacifié, c'est surtout en cacher les clés de compréhension pour des gens qui voudraient s'en inspirer. Je constate une dynamique publicitaire du type « la ZAD, mère de toutes les luttes », menée par certains et certaines occupants et occupantes avec leur réseau. Je crois que leur choix de venir y focaliser leur énergie permet peut-être de voir mieux qu'ailleurs leurs objectifs et moyens qui ne se disent jamais hors de leur petit cercle. La ZAD est utilisée en porte-voix pour des pratiques et stratégies de lutte qui serviront d'exemple pendant des décennies. Bref, je veux tenter de nommer ce qui se passe aussi ailleurs, parce qu'il se voit vraiment bien ici. Je voudrais que des personnes loin de cette lutte puisse comprendre les enjeux décrits dans ce texte. Aussi, de nombreuses autres contributions continueront de raconter la complexité de cette situation. Je veux écrire depuis si longtemps. Mais je me dis toujours que ça peut attendre, genre la fin de la lutte ou un truc du genre. Puis, régulièrement, il se passe quelque chose qui me va pas. Alors je retente de dire ce que j'en pense. Mais je n'y arrive pas. Ça bouge trop vite et je suis trop lent. C'est jamais le moment. C'est trop tard et d'autres ont déjà écrit plus rapide, plus fort. Mais ce qu'ils et elles écrivent me va pas. Alors ça recommence. Bon, passe à la dictature de l'urgence et de l'efficacité. Et aussi face aux choix politiques et stratégiques qui se sont posés ces temps-ci, je me dis que ça va jamais finir. Qu'il n'y aura pas de moment pour un bilan de la lutte. J'ai plutôt l'impression qu'elle mute pour mieux être assimilée. Alors j'aurai qu'à pas attendre plus longtemps, puis on verra où ça mène. À travers quelques histoires anciennes, et à partir d'un texte d'un groupe précis du mouvement d'occupation, je parlerai du choix politique de la composition, de la tentative anti-autoritaire, de l'évidence de considérer les médias comme des alliés, du romantisme révolutionnaire de masse, du virage réformiste de fin de lutte, et de perspectives politiques dominantes portées par ce même groupe. Sursis ou sursaut. Ces derniers mois, dans le Z News, on a pu lire quelques textes qui donnent une idée de gros conflits en interne du mouvement d'occupation. Alors que plusieurs textes individuels critiquaient des initiatives identifiées à un groupe précis appelé CMDO et sa prise de pouvoir sur la lutte, d'autres étaient des déclarations de soutien inconditionnel avec les composantes de la lutte, en les présentant comme régulièrement agressées par des occupants et occupantes. Ainsi, un court communiqué est signé par plusieurs lieux de la ZAD, quasi tous liés au CMDO, en avril 2017, pour condamner l'action de perturbation d'une conférence de presse de la campagne présidentielle de la France Insoumise à la ferme de la Vacherie, lieu symbolique sur la ZAD de la coordination. Puis, un long texte intitulé « Sursis ou sursaut » paraît dans le ZAD News du 21 août 2017. Le titre de ce texte décrit paradoxalement assez bien mon état d'esprit ces derniers temps face à la situation sur la ZAD. Se faire lentement écraser la gueule ou réagir brutalement in extremis. C'était une citation. Alors, je vais m'attarder un peu dessus. Je remercie d'ailleurs ces auteurs et auteurs de me donner ce fil rouge de colère pour sortir enfin ce que j'ai à dire, même si ce n'est probablement pas les encourager à dévoiler plus souvent leurs intentions. Par ailleurs, je ne sais pas où il est possible de lire ce texte. Mais je ne me soucie pas trop de leur grande capacité à se faire entendre dans la vie, alors s'il n'est pas trouvable, c'est choisi. J'aurais bien mis ce texte en annexe de ma version scannée dégueulasse, mais en fait non. D'abord, pour préciser, en commençant par la fin, en signature, on a une longue liste de lieux et d'individus à qui le texte a été proposé de main en main. La signature du CMDO n'y est même pas, même si la quasi-totalité des lieux signataires du texte sont ceux du groupe. Je prends donc quand même le risque de lui attribuer ce texte parce que je n'ai croisé personne qui l'avait compris autrement. La signature du Comité pour le maintien des occupations est apparue dans le The News en août 2016 et venait enfin de donner un nom à ce groupe après de nombreuses critiques de sa présence forte et non assumée dans la lutte, et une seconde fois au printemps 2017 pour se présenter par écrit devant une assemblée de confrontation sur ses prises de pouvoir face à de nombreux et nombreuses occupants et occupantes. Le CMDO est un groupe qui réunit une trentaine d'occupants et occupantes qui habitent différents lieux de la ZAD. Je précise que parmi ces lieux figurent une grande partie des fermes et des maisons en dur de la ZAD, qui disposent donc de grandes ressources matérielles et d'outils à dimension collective large. Il rassemble des personnes qui sont à l'origine de quasi toutes les initiatives publiques et stratégiques de cette dernière année et qui sont présentes dans la plupart des groupes et rôles influents de la ZAD. Politiquement très divers, le CMDO ressemble à un club d'intérêt. C'est une alliance sur des bases matérielles afin de prendre des initiatives sans s'encombrer des processus de décision du mouvement d'occupation. Ce comité choisit d'être invisible de l'extérieur du mouvement tant que ça l'arrange, mais en interne, il se dissocie clairement des tendances du mouvement d'occupation moins insérable ou plus critique envers les autres composantes. Je rajouterai que les personnes du CMDO ont des rôles et des manières très différentes. Les unes sont très visibles comme chef, d'autres sont plus discrets mais très influents en coulisses, ou présents en gros bras pour des coups de force et d'intimidation éventuels. Certaines participent aussi à des activités ouvertes sur la ZAD et peuvent servir de caution sociale et de médiation pour neutraliser des critiques et pacifier les conflits. Il semble assez facile de rejoindre le comité pour toute personne ayant une position clé sur la ZAD est prête à contribuer. Mais dans ce texte, je choisis de parler du CMDO quand ses membres influents prennent des initiatives, car je considère qu'ils ne pourraient pas le faire sans l'appui de leur groupe. Et leurs éventuels conflits internes sont invisibles à l'extérieur. Le texte, sursis ou sursaut, paraît innover avec force et panache en posant une rupture avec le mouvement d'occupation. Mais il ne fait que valider des pratiques observables et installées depuis longtemps. Cependant, c'est probablement un signe d'assurance de finalement les assumer face à l'hostilité sur la ZAD, ou bien peut-être aussi un sursaut de dos au mur. Le mot majeur du texte est « composition » et reflète bien le positionnement du CMDO en trois paragraphes. Composition, comme un ode à la légendaire bonne entente qui régnerait dans la lutte contre l'aéroport, rendant au passage invisibles les conflits internes et profitant au plus puissant. Décomposition, comme on gronderait les salmômes qui créaient la division interne et qui n'ont pas compris que ce qui est important, c'est de respecter la déclaration des 6 points, une sorte de charte interne au mouvement pour garantir sa cohésion par des promesses que tout le monde aura sa place dans un avenir sans aéroport. Bref, qu'il ne faut pas embêter les grands qui font des vraies choses. Recomposition, comme l'avenir est dans une sorte de « nous ne serons plus des squatteurs », avec en conclusion une nouvelle constitution par le mouvement pour le mouvement et une nouvelle promesse-menace de milice pour la garantir. Je les ai caricaturés ici, parce que je n'ai pas envie de faire autrement, mais derrière ces grands mots soigneusement choisis et bien ordonnés, se cache ce qui n'est pas dit, mais que beaucoup savent ici. Quelques commentaires en vrac. Les assemblées du mouvement ne sont pas l'endroit d'où partent les initiatives, mais là où elles sont validées avec un ordre du jour prédéfini dans les réunions et les mails entre les élites de tous bords. C'est-à-dire entre quelques occupants et occupantes du CMDO et quelques chefs des orgas citoyennes, agricoles, syndicats et partis politiques réunis dans la coordination des opposants et de COPIN, le collectif contre l'aéroport de paysans hors ZAD et très lié au syndicat Confédération Paysanne. Ce, entre guillemets, plus que nous-mêmes, que seule la composition entre nos différences rend possible, fermez les guillemets, c'est quand même souvent les mêmes qui savent se reconnaître comme pas si différents que ça finalement, et qui en sortent plus forts, ça, c'est sûr. La fameuse union sacrée face à l'ennemi, ça sent l'arnaque de tous, ça sent l'arnaque de tout temps. Et à force, on a appris à qui ça profite. Des attaques et incidents sont condamnés parce qu'ils gênent la stratégie actuelle de collaboration. Mais on n'oublie pas que parmi ceux qui condamnent aujourd'hui, beaucoup étaient et sont friands de ce genre d'actes quand ils servent leur propre stratégie. Le passage, entre guillemets, prendre ses distances avec le zadisme est tellement plus confortable quand on l'a nourri de fantasmes et de romantismes révolutionnaires en grande diffusion dans les librairies et exploité jusqu'à la moelle pour se construire la légitimité d'être enfin en lutte à partir de quelque part. Quand les occupants et occupantes sont aussi rétifs et rétives aux multiples initiatives du CMDO, il est plus simple de ne plus reconnaître leur espace hebdomadaire d'organisation de la Réu des ZAB. Une nouvelle assemblée des usages à construire, mais bon, déjà construite en fait, avec ces commissions qui font déjà un retour dès la première session et qui s'autoproclament d'emblée, ouvrez les guillemets, embryon de cette entité collective du mouvement qui a vocation à déterminer l'usage collectif des terres de la zone, fermez les guillemets. Enfin, la menace d'un service d'ordre qui vient alimenter une des fameuses blagues sur zone 2 « Tu vas finir dans un coffre de bagnole du CMDO ». Ce texte suggère que le problème à résoudre est dans le conflit entre des occupants et occupantes et les autres composantes. À mes yeux, il se situe surtout à l'intérieur du mouvement d'occupation, de même que plus largement dans le mouvement contestataire radical, hors de la lutte contre l'aéroport. En listant comme un bloc divers actes précis des derniers mois sur la ZAD, on peut faire croire qu'ils proviennent du même endroit, quelques méchants zadistes, et s'attaquent aux mêmes victimes, les gentils agriculteurs et citoyens. On pourrait presque sourire devant le bon vieux discours politico-médiatique de l'insécurité et se dire que c'est juste pour mieux se placer en protecteur. Mais prenons un peu de recul. Une attaque contre des journalistes lors du rassemblement des bâtons organisé par le CMDO et la coordination des opposants le 8 octobre. Pardon. Donc je reprends, mais prenons donc un peu de recul. Une attaque contre des journalistes lors du rassemblement des bâtons organisé par le CMDO et la coordination des opposants le 8 octobre. La perturbation du compost avec du compost, de la visite de la France insoumise sur la ZAD, des taxes sur les routes contre la démarche touristique du CMDO et de ses sentiers avant le week-end de l'accord des 8 et 9 juillet, la perturbation de la conférence sous chapiteau d'un groupe d'experts douteux liés au lobby LGV et qui intervient aussi pour le FN. Puis on a des barbelés coupés et des vaches échappées en octobre qu'on s'empresse d'attribuer à des occupants et occupantes antispécistes un peu trop grande gueule qu'on a justement sous la main et qui sont quand même un peu dissonants dans cette lutte d'éleveurs. C'est vrai qu'il se passe des choses. Elles sont un peu diverses quand même, et aussi un peu complexes à réunir dans le même paquet. Je comprends que la corde soit mécontente de voir viser ces fameux trois piliers proclamés, politique, médiatique, expertise, mais, mis à part les barbelés insolubles, les actes qui ont été décrits comme du sabotage ne sont-ils pas justement les seuls possibles pour se faire entendre dans le brouhaha dominant et sans être récupérables? Il y a toujours eu des actes de ce genre dans cette lutte, et sans en faire tant de drames. Parmi les alliés de la corde, Hulot, Beauvais, Mélenchon, Les Verts et de nombreux journalistes ont été régulièrement visés ces dernières années. Personne ne peut donc être surpris, encore moins la corde. Sauf peut-être si ces nouveaux alliés, occupants et occupantes du CMDO, lui avaient garanti le calme. Et là, j'en viens à ce qui me paraît réellement visé lors de ces événements. C'est, je crois, une certaine dynamique minoritaire, mais dominante dans le mouvement d'occupation. C'est celle qui considère les médias comme des alliés, qui choisit de s'organiser en priorité avec des organisations hiérarchisées et réformistes, qui veut la mainmise et une belle image de la zone avec l'imposition des sentiers de randonnée et du nettoyage de la route des chicanes, qui vend la ZAD dans les librairies comme la commune incontrôlable, mais œuvre au quotidien pour que rien ne lui échappe, qui méprise la masse des occupants et occupantes tout en se servant de la force qu'elle dégage. Bref, en agissant comme des politiciens de merde. J'imagine qu'il y a une tension parmi les signataires. Peut-être même ce texte a-t-il été discuté avant d'être proposé à la signature? Est-ce une version qui garde le fond mais ménage la forme pour ne pas aller trop loin? En effet, la question sous-jacente est quand même, doit-on faire rupture maintenant avec le reste des occupants et occupantes trop gênants et gênantes pour rester en communication privilégiée avec les composantes citoyennes? Point d'interrogation. Ou doit-on protéger un peu plus ces arrières quand même pour apaiser les conflits au quotidien sur la zone? Point d'interrogation. Et bien sûr, on peut sentir l'urgence, toujours l'urgence, pour ne pas prendre le temps de se poser trop de questions et convaincre tout le monde de suivre. Par ailleurs, le soutien inconditionnel, affirmé à de nombreuses reprises ces derniers temps par le CMDO envers les historiques et les composantes, révèle une manière singulière d'habiter, entre guillemets, quelque part, que ce soit une lutte ou un territoire. Se lier avec des voisins parce qu'on a des intérêts en commun ne signifie pas faire semblant d'être d'accord sur tout, créer des attentes décalées et donc se retrouver à faire sans arrêt le pas de plus pour entretenir cette fausse confiance. Chercher à créer de la confiance ne signifie pas oublier qu'on a aussi des conflits d'intérêts, notamment celui d'un retour à la normale. À moins que, petit à petit, à force de prétendre être unis, on le devienne sans s'en être rendu compte, mais sur quelle base? Composition? Comme chaque mot, soudain invoqué et martelé comme une découverte décisive, le mot « composition » m'évoque surtout beaucoup de choses pas nouvelles du tout. Je vais essayer de raconter mon point de vue en passant un peu de vieux trucs pour que ce soit compréhensible au mieux. Au début de l'occupation de la ZAD, je parle ici de 2010, 2011, 2012, cette époque si proche qui paraît déjà étrangement si lointaine. On devait mettre énormément d'énergie au quotidien pour réussir à exister hors et face à la corde. Les occupants et occupantes n'ont jamais voulu y participer. En 2011-2012, deux observatrices différentes étaient parfois envoyées dans leurs réunions mensuelles pour faire un lien et aussi un peu d'espionnage, comme il arrivait aussi quelques-uns qu'il arrivait aussi que quelques-uns et quelques-unes de leurs chefs passent à la réu des AB pour dire un truc, une info, un reproche et écouter ce qu'il et elle pouvait. Dans ce texte, quand je parlerai de la corde, ce sera pour nommer le petit groupe des chefs qui la dirigent et le fonctionnement hiérarchique qui y est assumé. Les nombreux et nombreux adhérents et adhérentes des différentes orgas qui la composent sont très diverses et ont des relations directes avec les occupants et occupantes. Il arrive souvent qu'elles soient en désaccord avec leur orga lors des différents conflits. Les personnes qui se retrouvent ici avec l'étiquette « chef » sont des personnes à part entière avec leur sensibilité, leur parcours. J'ai moi-même partagé des moments de confiance et de sincérité avec certaines d'entre elles, et je pouvais les estimer ailleurs que dans leur rôle de chef. Mais il m'a toujours semblé indispensable de rendre visibles et assemblés, en assemblée, les conflits qui nous opposaient. Nous, du côté des occupants et occupantes, on n'était pas beaucoup, quelques dizaines, dont une majorité à tendance libertaire et féministe, avec des expériences de squat. On était très dispersés sur la zone pour mieux guetter et gêner les avancées des travaux. On se connaissait peu entre nous, et aussi peu de gens alentour. On rencontrait peu à peu les habitants et habitantes qui résistent, qui avaient appelé à occuper, avec qui on était solidaires sur le terrain face au projet, au proprio Vinci, et aussi face à la corde et sa frilosité à agir concrètement. Moi, j'avais choisi de venir vivre ici, parce que cette lutte me semblait être un bon endroit d'où tenter des trucs différemment, pour mettre des bâtons dans les roues de ce monde de merde, là où il ne s'y attend pas. Pour moi, c'était une tentative d'esquiver l'écologie, trop facilement récupérable, parce que c'était juste un aéroport parmi des centaines et pas une de ces fameuses centrales nucléaires avec ces écolos qui proposent des parcs éoliens à la place. C'était aussi une manière de zapper le mythe de la mère nature à cause d'un paysage de bocage par définition totalement maîtrisé et fonctionnel. Et de tenir à distance le retour à la terre des beaux bio parce que la ZAD est face à un plan d'expansion urbaine massive avec peu de place pour des rêves de potager à l'eau de source. Petit bébé joli joli et tout le monde a qu'à faire ça comme nous. Tout ça en se connectant à d'autres réalités de ce que la ville d'à côté concentre et produit comme rapport d'exploitation, de contrôle, de manipulation démocratique et citoyenne, de mépris, d'uniformisation, de répression et de ségrégation. Bon, vu de maintenant, ça a de quoi faire rire ce que je vous raconte. Mais il n'y a pas si longtemps que les carriéristes des Verts, ils devaient se tenir à distance en ennemis, et que les flics venaient faire chier sans attendre l'aval d'un ministre. Pendant ces années, on cherchait à rencontrer et se soutenir entre gens qui se font bouffer par ce monde et ne croient pas à la fable démocratique de la gauche. Aussi, on allait faire des infotours. Dans ces moments, à aller ailleurs, parler de ce qu'on vivait ici, on disait qu'on avait choisi cet angle d'attaque et qu'on allait y mettre de la patate. Et alors, ça serait bien si des gens guettent un peu ce qui se passe par ici, parce que peut-être bien qu'à un moment on arrivera à faire chier la bonne marche des choses et qu'on aura besoin de soutien. Mais on voulait pas que notre appel à occuper ou à soutien fragilise d'autres angles de la lutte, souvent beaucoup plus sensibles et concrets que ce foutu aéroport paumé. Sur place, il a fallu beaucoup d'attention pour apprendre à se connaître entre occupants et occupantes, comprendre les manières et les objectifs de chacun chacune, se trouver côte à côte à agir ensemble, et beaucoup discuter et s'embrouiller aussi pour identifier des désaccords et trouver des points communs. Un des points communs était de ne pas vouloir de chef. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais et que quelqu'un prenne le rôle de chef, mais on tentait plein de trucs pour rendre ces moments visibles ou les éviter. Avec le regard d'occupants et d'occupantes féministes, ou non francophones, on s'est confronté collectivement aux rapports de domination qui permettent à certains de prendre plus de place dans la discussion collective et donc dans les décisions. C'est une des choses les plus enrichissantes que lutter ensemble ici m'a apporté. Il y avait plein de points de conflit avec la corde, les pratiques illégales, le squat, les actions directes et la violence, le rejet des journalistes, la lutte contre l'État anti-institutionnel et anti-capitaliste. Tout ça était maladroitement contenu dans le et son monde, mais venait se coller à leur lutte contre un aéroport, et radicaliser son image citoyenne et non violente. Il y avait aussi une question de territoire du fait qu'on venait habiter sur place, sans lien avec elles et eux, qui vivaient pour la plupart hors ZAD dans les villages alentours. Ça nous donnait une position de force pour observer, décider et agir. Et on était aussi en lien avec d'autres groupes de Nantes et environ ou plus loin, et incontrôlables pour la corde. Tout au long de cette période de la lutte, on a vécu de nombreux moments ensemble, face à des flics, enquêtes publiques, manifs, forages, fouilles archéologiques, relevés sur le terrain. Il y avait du partage d'infos, et avec quelques personnes de la corde, et de l'attention à ne pas trop se marcher sur les pieds. Mais il y avait aussi plein d'engueulades, incompréhensions, sensations de trahison, méfiance de part et d'autre, et des dégueulasseries, en forme de couteau dans le dos à jamais oublier. Dans la presse, ou dans la sphère politique, de la part de quelques grandes gueules de la corde, qu'elles soient porte-parole autoproclamées par de la CIPA ou d'Europe Écologie. Avec le temps, vu qu'on restait là, qu'on s'en donnait les moyens, et même qu'on était de plus en plus nombreux et nombreuses, je crois que la corde a fini par se dire qu'il faudrait compter avec nous pour la suite. Et tout le monde sentait le besoin de moments de discussion, collectifs ou individuels, pour mieux se connaître, avoir des billes de comment réfléchir l'autre, de comment réfléchit l'autre, et aussi accepter d'en donner avec sincérité pour pouvoir mieux anticiper et comprendre les réactions, et avoir confiance qu'on saura parler des problèmes qui se présenteront. Les assemblées du mouvement ont été lancées et relancées régulièrement à l'initiative des occupants et occupantes, pour qu'il y ait dans cette lutte la possibilité pour chacun et chacune de venir participer sans appartenir à une orga ou un groupe, de l'extérieur ou de l'intérieur. Pendant longtemps, c'est resté un endroit de débat et de mise en commun des idées et projets des différents bords, sans prétendre y décider de façon unitaire. Pour moi, le mouvement était lié à cet espace créatif où différentes tendances s'informent et se répondent, s'affirment et se critiquent, et sans renier leurs autonomies d'initiative. Je crois que c'est ça que certains ont commencé à appeler composition. En tout cas, moi, c'est là que j'entends ce mot pour la première fois. Sur le coup, j'ai pas fait trop gaffe. Ça parlait du mouvement et de ses composantes. Plus tard, je me suis dit que le concept de composition ressemblait plutôt à une manière de pacifier la situation, d'en parler en mots séduisants, sans laisser apparaître le conflit et la contradiction. Bref, de nous endormir, quoi. Jusqu'à appauvrir cette ébullition, en cherchant sans arrêt une voie du milieu. Et que, dans mouvement, on finisse par oublier la diversité qui surprend pour en faire une masse qui bouge tous ensemble. Je préfère en général parler de rapport de force dans les luttes, et en particulier pour décrire ce qui s'est construit ces années-là. Parce qu'on a vraiment dû commencer de zéro et gagner en force, pour devenir cette force à prendre en compte. De force, quoi. Pour moi, en 2012, le moment des expulsions et la réaction très large montrent que cette tentative de trouver notre propre place dans cette lutte en quelques années avait marché, mais aussi de lui avoir donné un sens politique qui dépassait la question de l'aéroport et la sphère locale. Les expulsions, c'est aussi le premier moment de la lutte où l'occupation prend la place centrale et l'initiative en invitant à résister et réoccuper, reconstruire, avec la solidarité en acte de beaucoup de gens nouveaux ou déjà impliqués dans cette lutte. Et la corde ne pouvait que suivre, un peu comme un syndicat dépassé par sa base. Et on sait combien il est difficile pour les chefs de perdre le contrôle, ou même la compréhension de ce qui se passe. De toute façon, le monde était perdu à ce moment-là. Pardon. De toute façon, tout le monde était perdu à ce moment-là. Cette période a été très violente pour les occupants et occupantes qui étaient là avant. Les repères avaient disparu, les maisons détruites, les collectifs d'habitation dispersés, les routes occupées par les flics et 300 nouvelles personnes à accueillir dans ce marécage de guerre. Comment leur raconter la complexité quand on ne sait même pas où leur proposer de dormir au sec? Parmi elles, il y avait plein de réalités différentes. Des écolos venus sauver les tritons, des croissants venus faire de l'agriculture bio, des guerriers, guerrières, barricadières à temps plein, des gens de la rue arrivés dans un endroit où ils pouvaient enfin se sentir bienvenus et faire face aux flics qui leur pourrissaient la vie au quotidien. Il y a eu plein de problèmes sur zone ce printemps-là, beaucoup d'incompréhension et d'agressivité de toutes parts. Les nouvelles arrivantes se sentaient méprisées et mal accueillies. Les anciens et anciennes se sentaient envahis et pas respectés. La corde et les agriculteurs de la zone avaient peur de perdre la main sur la lutte. Le collectif Copain est venu occuper une ferme nouvellement abandonnée, comme une manière plus radicale de soutenir le point de vue agricole, en étant sur la zone plutôt que de rester en soutien de l'extérieur. C'était le fruit de quelques rencontres chouettes qui avaient pris le temps à se faire et qui se trouvaient sur des pratiques proches d'action directe, avec des tracteurs en plus. Mais c'était difficile de faire coexister leur objectif. Pardon. Mais c'était difficile de faire coexister leur objectif manie de remettre la ZAD en culture et tous ces gens qui débarquaient là sans rien d'autre que leur détermination, leur parcours chaotique et leurs idées de zone à défendre, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Après les expulsions, j'ai l'impression d'avoir passé énormément de mon temps à dealer des embrouilles sur la zone, à faire intermédiaire entre des gens du coin, paysans ou militants, et des nouveaux occupants, avec un tel nuage d'incompréhension et de tension que ça devenait difficile de garder de la place pour l'initiative et la réflexion. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en train de m'éreinter à tenir la baraque sans plaisir. Ce dénouement avait avalé toutes les autres initiatives auxquelles je participais ces dernières années, et qui me faisaient du sens parce qu'elles n'étaient pas centrées sur la ZAD. Et aussi, ça permettait à d'autres nouveaux et nouvelles occupants et occupantes arrivés en groupe d'avoir le temps d'envisager le futur. Et la voie libre pour choisir quelle stratégie adopter, quels liens et quelles ressources favoriser. En bref, comment s'installer en profitant de ce qui s'était construit et partagé avant, pour gagner en puissance et orienter l'ensemble dans une direction précise, sans hésiter à réécrire l'histoire en temps réel, avec grands moyens. Ouvrez les guillemets. Une lutte sexy qui doit faire exemple pour nourrir l'imaginaire de l'insurrection et de l'autonomie. Fermez les guillemets. Et quoi de plus sexy qu'une image de tracteurs qui font des barricades? Pour moi, l'implication directe de ces paysans des environs dans ce moment de confrontation avec l'État, c'était l'occasion de riches rencontres entre des mondes très différents. Par exemple, des éleveurs du coin et des squatteurs et squatteuses véganes qui expérimentent la culture mécanisée de légumineuses. Mais au-delà de ce brassage, je crois que certains y ont surtout vu l'occasion d'une alliance pour une force matérielle inédite. C'est à ce moment que s'est fait le choix d'orienter la lutte sur des perspectives quasi exclusivement agricoles pour les années suivantes. Les uns gagnant une image de puissance dans la sphère radicale, les autres une image de radicalité dans la sphère agricole. En parallèle, des comités de soutien s'étaient montés un peu partout, et c'était difficile de leur expliquer la complexité de ce qui se passait ici, les conflits éternels avec la corde, la diversité nouvelle dans le mouvement d'occupation. En même temps, ces comités de soutien réunissaient des gens très différents qui s'organisaient dans leur ville et étaient traversés à petite échelle par les mêmes conflits politiques que chez nous. Alors je voyais du sens à contrer cet imaginaire déjà présent de « Ouah, c'est génial que ça marche aussi bien entre vous. Nous, on n'y arrive pas chez nous. » Par « En fait, on s'embrouille tout le temps sur plein de trucs. Du coup, à force, on sait à quoi s'attendre les uns et les unes des autres quand on prend une initiative qui fait conflit. » La force du « mouvement » était très liée à cet éclatement géographique de la lutte, qui forçait l'État à anticiper très largement et s'il voulait intervenir sur la zone. Mais en plus, il devait prendre en compte cette diversité politique et de modes d'action présente sur la zone autant que dans les comités. C'était difficile de faire exister l'autonomie d'initiative des comités, et je trouve que souvent ils ont été considérés plus comme de la main-d'œuvre que comme des alliés avec leurs propres enjeux et positionnements. Anti-autoritaire. À mes yeux, plus que tout autre conflit de fond, ce qui posait vraiment problème avec la corde, c'était de ne pas trouver de chef parmi les occupants et occupantes avec qui décider des choses importantes, et qui sache les faire respecter par tous et toutes, par tous ces incontrôlables de la ZAD ou d'ailleurs. Sans arrêt, depuis 7 ans, il y a l'on cherchait, ont tenté de trouver ces interlocuteurs parmi les occupants et occupantes. Régulièrement, quand ils se rendaient compte que ça ne marchait pas, on avait le droit à des coups de pression, des menaces et des dissociations publiques. Par exemple, leur récent caprice coup de théâtre en quittant l'assemblée du mouvement en août 2017 sous prétexte que les occupants et occupantes ne savent pas se tenir n'est qu'une énième expression de cette même frustration de chef sans interlocutrice. Mais que dire du départ théâtral qui a suivi de quelques occupants et occupantes du CMDO et de ce que cela révèle de leur rôle dans cette lutte? Était-ce un geste de frustration similaire ou bien de soutien? En tout cas, un signe de reconnaissance. Ces signes sont nombreux ces dernières années, de la part des mêmes personnes, et ils installent un décalage dans les rapports entre la recherche de fonctionnement horizontal de l'occupation et celui assumé comme vertical de la coordination. Ce décalage est le point de force habité par le CMDO et copain avec leur fonctionnement de hiérarchie informelle. Ces deux groupes tirent les ficelles en marchant ensemble sur un fil au milieu de toutes les forces en présence. Leur principal souci semble être l'efficacité, en rassurant la corde par un soutien inconditionnel en assemblée, jusqu'à être perçus comme ses potentiels bras armés dans des conflits avec des occupants et occupantes. Parmi les occupants et occupantes, deux autres groupes rassemblent des personnes influentes, des moyens matériels de production et de vie quotidienne, et des liens stratégiques majeurs. Ces groupes se sont créés et se définissent par rapport au CMDO comme des contre-pouvoirs, et leurs membres peuvent donc se retrouver à leur tour à endosser des rôles de chef, notamment dans des situations critiques. Mais la plupart essayent plutôt de faire fonctionner des espaces ouverts de discussion collective et le font comme ils peuvent, avec le rythme imposé par ceux qui courent devant. En ciblant le CMDO, je ne cherche pas à diaboliser particulièrement ce groupe dominant, ni des individus précis qui le font fonctionner. Et elles ne font que prendre des rôles qu'on retrouve dans d'autres contextes collectifs, des places qu'on leur laisse prendre par manque d'une culture de lutte qui saurait détecter les prises de pouvoir et combattre celles et ceux qui le font. Comme tout groupe dominant, on l'entend crier à la persécution et au complotisme quand on le critique. Comme tout groupe dominant, il n'a en effet pas besoin d'en avoir l'intention pour marcher sur la gueule des autres aux alentours. Il le fait, c'est tout. Et quand on lui fait remarquer « Oups, on n'avait pas vu que vous étiez là, désolé, c'est pas fait exprès !» ou bien « Il fallait le faire, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est juste que vous n'avez pas compris que c'est ce qui est bon pour vous !» ou enfin « Bah aussi, il fallait pas vous mettre en travers de notre route !» Comme tout groupe dominant, il considère que c'est aux autres de prendre plus de place plutôt que de leur en laisser. Comme tout groupe dominant, il parle de victimisation et de prophétie autoréalisatrice pour celles et ceux qui disent qu'ils n'ont pas leur place. Comme tout groupe dominant, il ne veut pas se poser de questions sur ce qui lui permet d'avoir cette position, les conditions matérielles et sociales qui lui permettent d'avoir le temps et les moyens de réfléchir, d'anticiper, de prendre des risques, d'être reconnu par d'autres groupes dominants pour faire des alliances. Bref, d'être en avance sur celles et ceux qui ont des préoccupations matérielles du quotidien, les galères de parcours, et d'autres qui ont le souci que tout le monde puisse trouver sa place et qui passent souvent leur temps à recoller les morceaux, notamment après les coups de force des dominants. Pour ma part, je reconnais que c'est difficile de s'organiser de manière horizontale et de réussir à être efficace. La recherche anti-autoritaire rend complexe le processus de décision et donc l'efficacité centralisée et rapide. Mais en posant la question des moyens pour aboutir aux fins, on permet au maintenant d'être politique plutôt que juste un moment stratégique vers un brillant à venir. Ce mirage fait toujours si facilement autorité et m'évoque plutôt l'urgence et la séduction de la stratégie qui ne dit pas où elle va. J'ai moi-même souvent galéré dans la tension entre efficacité et horizontalité, et la tentation de réagir à des situations avec l'urgence comme moteur plutôt que de partager les infos pour que chacun et chacune puisse se positionner. J'ai parfois été confronté à des critiques sur la place que je prenais, individuellement ou avec d'autres occupants et occupantes avec qui j'avais choisi de m'organiser. On avait choisi de former un petit groupe sur des bases d'affinité politique et d'engagement dans le temps, parce que le flou politique et les va-et-vient sur la zone nous épuisaient. Notre ancienneté sur la zone et nos liens alentours nous permettaient une compréhension d'ensemble et plus de marge de manœuvre et d'initiative. Je me souviens d'une réunion des AB où on avait compté les interventions. Ça avait révélé que je concentrais à moi seul ce jour-là beaucoup trop de prises de parole à cause des multiples informations importantes que j'avais en ma possession et de ma facilité à m'exprimer. À certains moments, c'était difficile de trouver une manière de partager les infos et les propositions sans prendre un rôle indispensable et central. Ce qui me paraissait essentiel, c'était d'accepter de questionner cette position et de prendre le temps pour essayer de mettre les clés en commun, quitte à ralentir. De chercher des manières de faire circuler des infos confidentielles tout en gardant la souplesse d'un fonctionnement affinitaire pour s'organiser sur des actions directes. Aussi, d'assumer quand une proposition venait d'un groupe, plutôt que de prétendre qu'elle viendrait juste d'apparaître dans la tête de quelques-uns et quelques-unes, comme par hasard. On verrait plusieurs personnes aux quatre coins de l'assemblée la trouver géniale et à avoir déjà des idées pour l'améliorer. Ou d'inviter des nouvelles personnes à rencontrer d'autres groupes de la lutte pour éviter la fixation des rôles d'intermédiaires. Et garder du temps et de la curiosité pour ce qui se passait sur la zone et qui n'était pas productif. Des rencontres de passage, des gens qui ont juste besoin de se poser pendant une période galère. Ainsi, je pense qu'il y a toujours des problèmes de pouvoir qui se posent et qui se poseront encore. Aucune règle ne remplacera jamais la vigilance collective, l'humilité et la prise en compte devant les critiques. Pour identifier ces problèmes, pour formuler ces critiques, il y a besoin de se sentir fort et forte. Pour que des moments d'assemblée large fonctionnent et que chacun, chacune s'y retrouve, il y a besoin de se sentir fort et forte. Une culture de la lutte autonome doit savoir se baser sur des espaces de discussion et d'organisation dans lesquels les personnes peuvent se reconnaître entre elles et choisir qui est bienvenu selon sa position dans la situation et le sujet à discuter. Cette pratique, aussi appelée non-mixité ou mixité choisie, est notamment utilisée dans des luttes contre les oppressions structurelles, telles que le racisme ou le sexisme par exemple. Elle est surtout attaquée en retour par des personnes qui savent plutôt bien trouver leur place en général, en particulier dans les assemblées, et qui qualifient de communautarisme ce qui se joue hors de leur vie, hors de leur vue. Je pense que seule la sincérité politique permet de partager une vraie discussion stratégique. L'argument massue « c'est stratégique » permet souvent de forcer la décision sans aborder l'aspect politique de la décision, de la direction prise, ni de comment elle est prise. À attendre sans arrêt, à entendre sans arrêt parler de stratégie, on finirait presque par croire qu'il existe une stratégie pure, qui serait la meilleure en soi. Alors que toute stratégie, même de survie, est précédée par des choix politiques et éthiques, plus qu'importants à discuter si on veut construire de la confiance. Dire où chacun veut aller pour voir comment avancer ensemble, ça veut dire assumer les conflits et les nommer. Et c'est ça qui a construit cette situation de la ZAD dont tout le monde se félicite. Je crois que c'est exactement à cet endroit que je suis le plus abîmé. De voir un groupe de puissants et puissantes scander la composition comme l'une des choses les plus précieuses que la ZAD leur a donné l'occasion d'apprendre, alors qu'ils et elles dissimulent sans cesse leur réel objectif pour mieux pouvoir s'allier dans toutes les directions et surtout vers le haut. Et j'en tire la colère d'avoir appris à craindre d'être sincère pour ne pas être bouffé par l'autre, ses mensonges et sa stratégie. Je voudrais parler d'une chose que j'ai appris dans cette lutte. Il y a un aspect du rôle de chef qui saute aux yeux dans les rapports d'un groupe vers l'extérieur. Les vrais chefs sont celles et ceux qui savent se reconnaître en dialoguant d'égal à égal pour faire alliance ou pacte entre groupes rivaux. Son pouvoir à l'intérieur de son propre groupe est principalement validé par le pouvoir de ses interlocuteurs de l'extérieur. Ainsi, quand un chef distille des informations stratégiques à quelqu'un en particulier, il lui donne une place de pouvoir, y compris si c'est dans un autre groupe. De même, quand quelqu'un endosse le rôle de porte-parole d'un groupe, il et elle devient l'interlocuteur potentiel d'autres chefs et se retrouvent à porter leur parole en retour. Ainsi, on a pu voir souvent des assemblées bloquées en attendant l'info décisive, reçue et portée par toujours la même personne. Ou encore, toutes ces dernières assemblées du mouvement tellement préparées entre les chefs de tous bords, que toutes les propositions sont déjà discutées et prénégociées, et leurs contestations anticipées en commun dans un timing programmé, l'enjeu principal étant d'avoir une parole du mouvement qui apparaît unifiée pour instaurer un dialogue permanent avec le gouvernement. Je fais une toute petite pause de quelques secondes. Et je reprends la lecture de ce texte passionnant. Le groupe presse. À l'automne 2015, une sorte de groupe d'expertise stratégique est apparu. Il est devenu rapidement incontournable pour comprendre et faire face à la menace uniquement médiatique d'expulsion lancée par la voix de Valls, Premier ministre PS. Cette expertise était incarnée par le groupe presse, constitué dans l'urgence par quelques occupants et occupantes a priori éphémères. Son intention était d'analyser le discours médiatique de la menace pour anticiper la stratégie du gouvernement. Assez rapidement, l'objectif a évolué. Il est devenu un porte-parole stratégique par communiqué, avec un travail de repérage et recrutement de journalistes partenaires et gourmands dans les grands médias nationaux. Libération, Le Figaro, Ouest France, etc. Bref, toute une liste incroyable de collabos du pouvoir. C'est précisément ici qu'on voit un exemple de basculement d'une approche stratégique vers des choix politiques. étudier le discours de l'ennemi par les médias, puis compter sur leur relais forcé de nos positions par des actions directes qu'ils ne peuvent pas nier, pour finir par aller les chercher comme alliés. Parce que le choix en apparence stratégique de constituer ce groupe presse a eu d'énormes conséquences politiques sur les deux dernières années de cette lutte. Je voudrais raconter une autre vieille histoire du rapport à la presse dans cette lutte. Dans mes souvenirs, la première apparition de l'idée d'un groupe presse remonte à l'organisation de la manif occupation du sabot le 7 mai 2011. Le but était d'occuper publiquement et massivement un terrain de la ZAD sur la ZAD pour installer un collectif de squatteurs et squatteuses, paysans et paysannes. Dans cette période, les médias locaux parlaient régulièrement des ultras et des éco-guerriers venus de l'étranger ou autres anarchistes violents de la ZAD. L'argument était de focaliser l'attention des journalistes présents pour éviter qu'il y ait récolte tout et n'importe quoi parmi les gens présents ce jour-là, et qu'il n'ait pas à se mettre sous la dent qu'une sorte de parole commune minimaliste définie à l'avance sous la forme d'un communiqué à leur lire. Je ne me souviens pas bien des débats auraient eu des habitants sur le contenu de cette parole. Et je me souviens qu'il y a eu quelques débats sur la pertinence et la nécessité d'avoir une parole envers la presse. À cette époque, je crois que c'était plutôt commun aux occupants et occupantes de voir les journalistes comme des ennemis. Mais dans un groupe d'occupants et d'occupantes, et le réseau Reclaim the Fields avait organisé cet événement particulier, et ce jour-là, 5 ou 6 personnes ont endossé ce rôle de parler aux journalistes. Pour éviter une personnalisation, 2 pseudonymes androgynes avaient été choisis, Dominique et Camille. Le lendemain, dans West Torch et Presso, on a pu lire que tous les zadistes que les journalistes avaient rencontrés s'appelaient étrangement Camille. C'est de là qu'est sortie cette fameuse identité zadiste que le tout Facebook s'est mis à revendiquer en soutien petit à petit comme un truc qui s'échappe et qui vit sa vie de buzz virtuel. Sur le moment, de voir reprendre en cœur notre débrouille quotidienne de fausse identité face au travail de renseignement des flics dans cette lutte, ça pouvait me paraître drôle. Mais j'ai vite eu la sensation de voir un spectacle se monter autour de ça. Et cette pratique commune était diffuse et systématique. Cette pratique commune qui était diffuse et systématique disparaître au fur et à mesure pour être quasi oubliée aujourd'hui. Elle est passée d'une résistance concrète au fichage et contre la personnalisation de la lutte à une mode cool virtuelle comme on ferait un clin d'œil militant d'un clic. Je crois important de dire que 6 ans de lutte plus tard, beaucoup de ces mêmes personnes sont encore très souvent dans la même position clé de référents et référentes presse, dans le groupe presse, à écrire les communiqués ou montrent leur gueule en conférence de presse. Et pourquoi pas rajouter que par un étrange hasard, ce sont une bonne partie des mêmes personnes qui publient, sous le nom de « mauvaise troupe », leur vision brillante et aseptisée de cette lutte. Les questions que ça me posait à l'époque sont de plus en plus fortes aujourd'hui. J'y voyais déjà le risque de se lancer dans une conquête de l'opinion publique, comme on tombe dans un piège que j'imagine au moins vieux comme la démocratie. À l'époque, c'était si clair que les journalistes étaient nos ennemis que j'avais du mal à concevoir qu'on cherche à travailler avec eux. Mais je n'ai pas eu la niaque pour faire chier celles et ceux qui voulaient tenter ça. J'ai juste choisi de faire autre chose. Loin des médias à ce moment-là. Voire contre eux à d'autres moments. L'évidence de s'adresser aux médias s'est pourtant installée très vite. Et il me semble qu'elle n'a jamais été sérieusement ébranlée ensuite. En tout cas pour les événements publics. Même si l'hostilité envers les médias s'est exprimée de manière continue en ville ou contre leur présence sur la zone. Bien sûr, de temps en temps, on pose les questions suivantes quand le mandat d'un tel groupe est à discuter. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Voir comment on décide de ce qu'on veut leur dire? Ou bien, comment on s'organise pour que les rôles tournent? Ça ressemble tellement à cette bonne vieille méthode de la consultation démocratique, cette manière de ne pas laisser place à la question conflictuelle qui précède toutes les autres. Est-ce qu'on veut vraiment leur parler et d'une manière centralisée? Et si oui, alors à travers les médias, à qui parle-t-on? L'ennemi? La masse? Pourquoi faire? Jouer aux échecs? Séduire? À quel prix? Légitimer les vautours? Fabuler? Je crois que cette impression décalée de pouvoir jouer donnant-donnant avec des journalistes des médias bourgeois a logiquement mené jusqu'à la prétention grotesque de traiter d'égal à égal avec Valls, Premier ministre, par exemple, en 2015. Ce qui a pu ressembler à une partie de ping-pong par médias interposés. Ou bien un couronnement de carrière militante pour quelques égaux d'occupants et occupantes à la mesure de celui de leur grand ennemi. Les coups de l'adversaire sont anticipés pour rétorquer à la situation par plusieurs communiqués de presse, de ripostes, préparés à l'avance dans l'urgence d'un petit groupe restreint et validés par une petite troupe d'élite des composantes du mouvement. Petite interlude. La phase de décomposition-recomposition du Parti socialiste n'est pas finie. Manuel Valls, 5 novembre 2017. Je ne conteste pas la valeur stratégique du face-à-face médiatique des dernières années. Avec toute sa mise en scène guerrière, virtuelle, par communiqué en instantané dans Le Figaro. J'ai un problème avec l'évidence de la priorité stratégique et l'absence de questionnement politique autour de la place qu'on donne aux médias, la prétention de maîtriser le jeu, le pouvoir qui en découle, et l'idée de dialogue avec le gouvernement. Mon impression est que les médias ont sauté sur les images de guerre de l'opération César et qu'ils n'avaient pas besoin alors d'un groupe de presse pour retransmettre leur spectacle. Quand quelque chose déborde, ils sont contraints de le relayer pour être reconnus dans leur rôle d'informateur. Par ailleurs, il a fallu les convaincre et les nourrir pour diffuser l'image du bon zadiste qui travaille bien, parle bien, est bien productif et imaginatif, rigolo, pertinent, critique et intelligible. La portée politique de ce portrait est un désastre. Il nourrit l'espoir de l'alternative productiviste et réformiste de la classe moyenne de gauche en perte de repères et crise de culpabilité. Sur fond de fantasmes autogérés, d'un autre monde est possible tant qu'il reste à l'intérieur de celui-ci. La campagne ZAD partout qui a suivi avait pour but de fragiliser l'État en multipliant les luttes contre ses projets sur le territoire plutôt que des comités de soutien à la ZAD. Dans les médias, elle a été relayée en parallèle par une sorte de portrait robot superficiel du zadiste en doux illuminé posé aux quatre coins de la France pour protéger la nature. Je crois qu'on peut dire aussi que ce cliché a lui aussi sa valeur stratégique, celle de la sympathie inoffensive. Mais sa portée politique est le gouffre du héros moderne au geste éco-citoyen pour sauver les bébêtes menacées par les méchants bétonneurs, comme l'unique nouvelle manière de lutter. En tout cas, les automnes 2015 et 2016 et leurs menaces d'expulsion ont été l'occasion de mesurer la place que prend le jeu médiatique dans la conduite de la lutte contre l'aéroport. On a pu voir une succession de déclarations, d'annonces et de conférences de presse de part et d'autre. On va évacuer! Qu'ils y viennent! Au point que chaque événement semblait avoir pour terrain principal les pages des journaux, et que les rassemblements m'ont donné l'impression d'être un figurant pour une photo de propagande. Parmi cette foule de gens armés de bâtons, comme pour le tournage d'un mauvais film à grand budget, avec mon mal au bide face au simulacre de la résistance. Et le prochain événement est déjà programmé pour garder le rythme du tac au tac face à l'État, grâce aux journalistes à qui on garantit leur prochain scoop. Derrière le choix stratégique de travailler avec les médias, je crois que se cache le désir d'être entendu et compris par le monde extérieur. On ouvre les portes à des journalistes dont on reconnaît le rôle social qui serait d'informer la masse sur ce qui ne se voit pas, tout en mettant en scène ce qui est vendable selon les critères du marché et du moment, leur point de vue décalé de non-participants offre de nombreux renseignements supplémentaires au système répressif. Dans les périodes de tension d'une lutte, on a facilement le réflexe de se méfier du travail de renseignement et de fichage que la police met en place pour anticiper et réprimer. Mais la lutte contre l'État n'est pas juste ponctuelle. Elle se joue sur de longues échelles de temps. Et cette énorme machine déploie des efforts maniaques et de grands moyens pour comprendre et cartographier ce qui la menace. Face à cette surveillance, il devient même parfois difficile dans notre quotidien de jauger entre notre paranoïa et notre laxisme pour se protéger. Mais ce système a d'autres rouages plus subtils et diffus pour analyser et s'adapter face à ce qui le remet en question. La question qu'on peut se poser, si on se considère comme ennemi du système, est « Voulons-nous être compréhensibles par ce qui nous écrase ?» Et donc prendre le temps de définir ce qui nous écrase. Par exemple, ces dernières années, sur la ZAD, on a vu une flopée de jeunes étudiants débarquer pour observer ce qui s'y joue de nouveau ou de subversif. De la sociologue à l'architecte, la plupart sont probablement sincèrement curieux et passionnés de leur recherche, dans leur recherche. Et leurs travaux, bénévoles, voire militants, sont compilés dans les archives institutionnelles qui servent à former les élites innovantes et les gestionnaires de demain. Ils servent à la compréhension du monde d'en bas, à la fabrication de théories criminologiques à Alan Bauer, et donc à une gestion plus efficace par les puissants, qui n'auraient ni le temps, ni les yeux, ni les codes, pour venir eux-mêmes plonger dans notre hostilité. Malgré leurs convictions, ces étudiants sont toutes et tous des indiques qui s'ignorent. Sans parler de comment il et elle imaginent participer à la rénovation du capitalisme dans leur future carrière professionnelle. Peu acceptent de s'en rendre compte et d'abandonner leur étude et la place que ce système leur offre. Ainsi, on a aussi cette évidence d'accepter de parler aux journalistes. Et puis, il y en a des bons, et il faut bien qu'on parle aux gens. Alors on s'envisage soi-même, avec les yeux virtuels, de l'hypothétique opinion publique. On normalise inconsciemment notre propre discours par anticipation de ce que le plus grand nombre serait prêt à entendre. Et on fait abstraction de la chaîne hiérarchique et des intérêts que les médias servent, de la censure potentielle, ou bien des choix sensationnalistes qui orientent la publication ou non. Et parmi quels autres articles à vomir? Et, enfin, quelle place centrale de contre-pouvoir indépendant on contribue à leur donner dans ce monde de merde en leur déléguant la diffusion de notre contestation. Finalement, cette légitimité est d'autant plus dure à contrer dans les moments où la roue tourne. Séduction et romantisme. Les grands écrits publicitaires qui se précipitent à faire l'histoire, avec un grand H, vantent les emblématiques diversité des tactiques et unité du mouvement, mais sans détailler la complexité et la conflictualité interne qui va avec. Des poètes prophètes du comité invisible à la mauvaise troupe et leurs conteurs historiens, la mode est au romantisme de la subversion qui dégouline avec grands moyens éditoriaux pour séduire largement. Au passage, la diffusion d'idées de la lutte est de nouveau intégrée dans le système marchand. En effet, quand on cherche l'efficacité, on sait où la trouver. Ces quelques personnes sont intelligentes et s'appuient constamment sur leur capacité à anticiper les situations pour les orienter dans leur direction. Je considère donc leur choix comme politiquement réfléchi, et ils révèlent cette même prétention à jouer d'égal à égal, cette fois avec le monde marchand. Leurs livres se vendent dans toutes les Fnac et autres Leclerc, avec la promotion et le soutien de la presse de gauche, genre Nouvelle Obs, Libération, Télérama. On les retrouve donc logiquement dans les étagères des salons de la classe moyenne de gauche, à côté de livres d'attaque sur la transition énergétique ou de « Indignez-vous ». Je vais parler un peu de cette classe moyenne de gauche, parce qu'elle me semble être un point crucial des équilibres de pouvoir en France, et parce que je crois que nos auteurs subversifs l'ont bien compris. Et c'est pas très compliqué à comprendre quand on en est issu. Je sais de quoi je parle, j'en suis issu aussi, et je vois bien combien même en tentant de trahir ma classe, je reste pour elle un point d'entrée dans des mondes qu'elle ne connaît pas. Ne serait-ce que par ma manière de m'exprimer ici. Elle est l'héritière des lumières qui éclairent le monde et de la fierté typiquement française qui va avec. Elle en tire le double luxe de vivre dans le confort matériel avec la bonne conscience progressiste en prime. Aujourd'hui, il est douloureux pour elle de ne pas admettre que son parti socialiste ne l'était même pas. Même ses propres enfants se débattent dans ce monde qu'elle a largement contribué à construire et à pacifier, et dans lequel elle s'en sort plutôt bien. Probablement même, ça doit être réconfortant de voir qu'il y a encore des rebelles, surtout si il et elle sont écolos, qu'il invite à leur côté, comme un signe de réconciliation entre les générations, et que peut-être tout n'est pas perdu. Derrière le fameux imaginaire de l'Azad, on peut trouver dans la quasi-totalité des textes publics et des événements des dernières années, se cachent des concepts clés d'un programme de gauche. La valeur travail et la productivité, la préservation de l'environnement et la transition énergétique. La démocratie directe et la division des tâches. La gestion locale et l'aménagement raisonné d'un territoire. L'union sacrée et la paix sociale. L'ennemi intérieur et l'état d'urgence. Et enfin, l'avenir radieux et sa nouvelle constitution des 6 points. On peut imaginer quelques intérêts de cette stratégie de communication qui vise à séduire la gauche, en lui parlant dans un langage qu'elle comprend. C'est une manière de lui donner accès à la lutte. Elle s'y sent invitée, et probablement rassurée de cette nouvelle légitimité radicale qui lui manque tant pour continuer à être de gauche. En échange, cela lui permet d'anticiper la répression en se fondant dans cette masse influente et respectée par l'État pour être moins vulnérable. On a déjà pu le voir en 2008 lors de l'affaire Tarnac et l'appel à soutien vers la gauche par ce groupe d'insurrectionnalistes qui se déguise pour l'occasion en gentil alternatif inoffensif agressé par un État qui se tromperait dans sa répression. Je voudrais parler ici d'une autre conséquence d'inviter la gauche dans nos luttes. La gauche a cette capacité de comprendre l'idée de la destruction de l'État portée par celles et ceux qui échappent à son contrôle. Elle a ensuite ce rôle historique de la transformer en position, en proposition de pacification par la réforme. Elle sait faire le pont entre deux pôles irréconciliables, pour que l'un écrase l'autre et que la contestation passe par son canal. Les exemples sont nombreux dans l'histoire des tentatives révolutionnaires, et la méfiance reste forte envers ces structures de dialogue avec le pouvoir que sont les syndicats, les partis et orgas citoyennes. Elles doivent donc trouver un maillon précis qui leur ouvre la porte pour composer avec elle. Dans cette lutte, elles ont trouvé le Comité pour le maintien des occupations, le CMDO. Mais alors, ce maintien comme une fin en soi, ça donne envie de se demander pourquoi faire ? Quel projet politique fait suite à ce maintien à tout prix? Qu'est-ce qui est finalement maintenu dans les occupations quand elles sont légalisées? Réformisme. Chaque discours porté sur une lutte est aussi une clé de compréhension livrée à l'ennemi. L'État capitaliste, sous sa forme démocratique, ne demande pas mieux. L'État capitaliste sous sa forme démocratique ne demande pas mieux que de comprendre ce qui le remet en question, pour mieux l'assimiler et s'y adapter, l'innovation étant depuis longtemps son principal axe de développement. Par exemple, de la longue lutte du mouvement anti-nucléaire, que reste-t-il des puissances critiques anti-militaristes, anti-industrielles et anti-étatiques? Par contre, on constate que l'aspect écologiste a été retenu et valorisé parce qu'il offrait de nouvelles opportunités économiques, notamment dans le développement commercial de l'éolien industriel ou de la technologie photovoltaïque, utile à bien d'autres usages militaro-industriels. Mais plus largement encore, l'écologie sert de socle pour tout un nouveau marché de l'étude-gestion-réparation des dégâts capitalistes, en faisant appel au progrès technologique qui les a lui-même générés. Et la boucle est bouclée. Ça fout le vertige d'imaginer ce qui restera de la lutte contre l'aéroport après la fameuse victoire, avec la légalisation des uns et la disparition des autres. De mon côté, pour imaginer me situer dans une de ces composantes du mouvement contre l'aéroport, je devrais d'abord me sentir d'égal à égal avec des organisations de type parti politique, syndicats, ONG et assos citoyennes dans cette lutte face à l'État et ses intérêts capitalistes qu'il défend. Or, qui mieux que lui sait faire la différence entre qui veut le détruire ou l'améliorer? Et saura toujours s'en servir le moment venu. C'est ce pari précis qu'ont choisi de faire les membres du CMDO. Se positionner comme une composante détachée du mouvement d'occupation, solidaire et égale aux autres forces réformistes pour figurer avec elles comme acceptables par l'État et participer aux négociations pour perdurer coûte que coûte. Ce qu'on appelle réformisme, c'est considérer que la structure de l'État est améliorable et qu'il est souhaitable de le faire. On parle aussi de citoyennisme pour décrire la croyance que c'est de la position de citoyen qu'on peut être acteur de cette réforme permanente. Mais la recherche d'une réforme peut être aussi une stratégie ponctuelle de débrouille dans un rapport de force trop asymétrique. Par exemple, les prisonniers en lutte choisissent différentes formes d'action, de la pétition à la mutinerie, de l'enfermement, qui enrayent le fonctionnement de la tôle pour faire pression et négocier leurs revendications d'aménagement de la vie carcérale. Quand on est enfermé et isolé dans cette perfection sadique qu'est la prison, la destruction des prisons est un objectif qui paraît loin, et la moindre avancée être ressenti comme une victoire. Sans nier que nous sommes dans cette lutte, dans un rapport de force asymétrique avec l'État, il est vrai que chacune admet que les situations de lutte qui ont autant de force sont rares. Comment expliquer ce paradoxe que ce soit justement la position de force qui amène au choix réformiste? Comment expliquer que ce sont précisément ces groupes à prétention révolutionnaire qui proposent de négocier leur intégration comme si ils et elles étaient acculés dans une impasse en même temps qu'ils scandent leur puissance? Le CMDO propose d'inventer des forces hybrides encore inédites sur un plan juridique pour être tolérées par l'État. Avec de grands mots, on apprend que ces formes seraient juste un manteau qui recouvrirait le corps, autrement dit une sorte de pied de nez administratif qui permettrait à la ZAD de garder son côté subversif. Monter une structure légale, déclarer une activité, s'identifier, centraliser les décisions dans les commissions permanentes avec des orgas hiérarchisés, utiliser le mot projet pour s'y promouvoir comme des managers de nos propres vies, mettre aux normes des habitats, refaire circuler la route des chicanes à 90 comme mon bon vieux temps, pour faire bonne figure de gestionnaire. Ce sont juste quelques petits détails à satisfaire pour des gens qui ont appris le langage des administrations sur les bancs des grandes écoles et qui ont des projets, somme toute, compatibles avec ces contraintes. La ZAD est un entremêlement de tentatives collectives bancales et laborieuses, parce que réellement inédites et intraduisibles dans leur langage. Et on devrait discuter ensemble pour imaginer l'avenir? Pour un avenir sans aéroport, dit le slogan à la mode. Ah? Et son monde? Ah oui, bah, on prendra juste le manteau. On voit d'ici quelques-unes des structures existantes qui s'institutionnalisent, comme une exploitation laitière, une auto-entreprise de brasserie, une exploitation agricole de paysans boulangers, et peut-être un jour un statut associatif pour la bibliothèque, le talus, un atelier de bois, une ferme-école. Tout ceci issu de la lutte contre l'aéroport pour se différencier et ne pas ressembler tout simplement à toutes les autres auto-entreprises éco-participatives du business contestataire qui fleurissent déjà partout ailleurs. Une grande part de ce qui est extraordinaire et réellement subversif sur cette zone, c'est ce qui s'y joue d'incontrôlable et d'incompréhensible, et pas la capacité de certains projets à rentrer dans les codes institutionnels. Et c'est aussi ce qui fait le plus peur aux chefs de tous bords. Et justement, la préintention du CMDO à inventer des formes hybrides encore inédites qui permettraient de continuer à faire vivre la ZAD sans la changer, ça cache mal son mépris de ce qui s'y vit, hors de son contrôle et de sa compréhension, et qui disparaîtra de son cadre imaginaire quand il aura abouti. Cela dit, il y a probablement encore la nécessité de garder la face radicale et le quotidien vivable sur la zone en évitant de provoquer une fronde des occupants et occupantes de la ZAD. Alors, un plan de réforme interne, qui ne dit pas son nom, est annoncé dans le texte, sursis ou sursaut. Tout en assumant enfin son non-intérêt pour la réunion des ZAB, le CMDO réaffirme que c'est dans l'assemblée du mouvement que furent prises les initiatives les plus audacieuses. Il oublie de dire que ce sont donc les siennes dont il parle. Et quelle audace, en effet, ces dernières années, de proposer une fois l'an un spectacle de masse toujours plus symbolique et inoffensif. Que dire de ces moments de mobilisation unitaire des dernières années, de cette course aux chiffres pour affirmer une force symbolique et pacifiée. Pendant ce temps, le mouvement évite scrupuleusement le centre-ville de Nantes depuis la manif du 22 février 2014. Son traumatisme médiatique et ses débordements condamnés publiquement par la corde, c'était le groupe Décompense, ancêtre du CMDO, qui avait choisi d'inviter l'élite de la corde dès le début d'organisation de cette manif, plutôt que de la laisser simplement rejoindre une initiative proposée au mouvement dans son ensemble. Les autres occupants et occupantes et les comités n'avaient été informés de cette manif qu'après, en assemblée du mouvement. L'effet a été de redonner à la corde la position centrale et réactionnaire qu'elle avait perdue lors des expulsions. Comment s'étonner alors de sa sensation de trahison lors des affrontements visiblement préparés et qu'elle n'avait pas vu venir? Puis, de sa dissociation publique et de son blocage jusqu'à maintenant sur le moindre événement commun en ville. Ensuite, le prix de l'unité de la lutte a été de ne plus faire pression sur Nantes, le réel lieu de décision, pour ne plus brusquer la cohorte et reconstruire la confiance. Cette histoire raconte comment l'assemblée du mouvement est surtout devenue le théâtre de la fausse horizontalité de décisions déjà prises entre les élites et du faillotage pour rassurer la cohorte. Depuis, on voit la perte d'autonomie et d'initiative des autres forces, et donc un grand manque dans la diversité de pratiques. Mais surtout, à la fin de ce texte, une nouvelle assemblée apparaît, dite des usages, qui dépasserait les séparations passées entre habitants et habitantes, occupants et occupantes, et paysans et paysannes. Sa commission juridique, déjà existante dès l'invitation de la première session, proposait ainsi, dans son compte-rendu déjà prêt, de constituer une délégation intercomposante qui se fasse l'interlocuteur des médiateurs de Macron au sujet de l'avenir de la ZAD. Un compte-rendu anxiogène de cette commission, devenue commission hypothèse pour l'avenir, dressait une longue liste de recensement des pratiques quotidiennes sur la ZAD qui seraient potentiellement à normaliser, de l'hygiène des boulangeries aux normes d'habitat. L'hypothèse retenue est la création d'une structure légale, unique, à présenter à l'État. Citation. Cette entité viserait à englober le fourmillement de la ZAD pour en maintenir la richesse, véritable manteau sous lequel les marges d'intervention et de la liberté pourraient continuer à se développer. Fermez les guillemets. Peut-être l'Assemblée tentera-t-elle ensuite simplement d'intégrer dans sa commission de gestion des conflits. Peut-être l'Assemblée tentera-t-elle ensuite simplement d'intégrer dans sa commission de gestion des conflits le groupe tournant issu de la réudisab dit le cycle des 12. Et sa commission bienvenue donnera-t-elle des permis de construire et de cultiver. Depuis, il a été évoqué qu'en cas d'abandon du projet d'aéroport, il n'y aurait plus de mouvement, et donc plus d'assemblée du mouvement. Elle deviendrait alors l'unique assemblée commune, beaucoup plus policée. Créer cette assemblée doublon a réussi à redonner l'initiative centrale à la frange institutionnelle du mouvement et à vider de sens les autres espaces d'assemblée. Avec son fonctionnement en commission, tous les moments d'assemblée, y compris hors de celle des usages, deviennent une suite de comptes rendus de groupes d'experts qui devancent la masse des administrés. Comment les centaines d'autres occupants et occupantes peuvent se sentir en prise sur ce qu'il se passe autour d'elles et eux, avec ces réformes de toutes les autres composantes, CMDO en tête, Comment les centaines d'autres occupants et occupantes peuvent se sentir en prise sur ce qu'il se passe autour d'eux avec ces réformes que toutes les autres composantes, CMDO en tête, ont mis en place de fait. Elles sortent du chapeau comme des mesures d'urgence liées au rythme de la médiation avec l'État et de réaction unitaire face à un ennemi intérieur qui attaque, entre guillemets, les bases collectives à partir desquelles nous essayons de construire un futur commun. Je voudrais prendre le temps de décrire le virage bureautique en cours. Mais le rythme des innovations est tellement rapide et le codage si indigeste qu'on peut juste rester sonné en essayant de suivre. Le cercle réel des participantes au mouvement processus, au nouveau processus, est réduit à un petit nombre de personnes réussissant à s'adapter à ce mode d'organisation. Ces assemblées matérialisent avant l'heure le nettoyage de la ZAD annoncé par un des chefs de la corde. Par exemple, on invite le collectif syndical, avec des guillemets, quelques sections syndicales des environs, notamment la CGT AGO de Vinci, à participer tout en laissant sur le carreau les deux tiers des occupants et occupantes. Le ZADnews lui-même semble soudain envahi par le langage bureaucratique comme une sorte de journal officiel qui rend compte aux administrés avec toute la bonne volonté des élites. Pour les anti-autoritaires, un des risques est de se focaliser sur ce qui est le plus visible dans un passage en force, le « comment est prise la décision ?» et de se retrouver sans arrêt à accompagner des directions qui ne leur vont pas en fournissant tout le travail pour leur donner une forme plus acceptable. Une belle répartition des tâches. Les deux autres groupes organisés d'occupants et d'occupantes prennent ainsi souvent ce rôle de limiter les dégâts. Depuis des années, l'essentiel de l'énergie disponible sert à poursuivre la locomotive CMDO pour essayer d'y accrocher tous les wagons. Mais à vouloir faire tenir tout le monde dans un seul train, on en oublie de se demander où il va et pourquoi. Et pendant que le mouvement devenait un train, de nombreuses personnes écœurées ont préféré sauter en marche plutôt que de suivre la voie unique. On entend parfois dire parmi celles et ceux qui sont montés à bord « Le CMDO a quand même beaucoup apporté à la lutte. » Je dirais plutôt qu'il a beaucoup de conséquences, comme une avant-garde d'autant plus efficace que sa stratégie est subtilement réformiste et ne rencontre donc finalement que des obstacles surmontables. Ces leaders dans l'âme prétendront avoir pris cette direction par stratégie quand ils feront face à la critique des radicaux. En attendant, on peut se demander si la vraie locomotive n'est pas simplement la corde et la logique réformiste en général. Et combien de temps le wagon CMDO tiendra-t-il la route? Dans des situations où un groupe en écrase un autre, on voit des rôles de médiation apparaître. Malgré la prétention de freiner le groupe dominant, en pratique, il est surtout rappelé au groupe dominé sa faiblesse dans la situation et son intérêt à plier sans faire de vagues. Alors qu'un bon pétage de plomb est parfois ce qui fait le plus de bien quand on se fait écraser la gueule. L'exemple le plus criant est le nettoyage de la D-281 dont je parle dans l'épilogue. Quand un groupe de dominants prend des initiatives sans se préoccuper d'être compris ou rejoint, on tente d'y remédier pour laisser une chance à chacun chacune d'y trouver une place, en créant des espaces formels de réunion avec plein de protocoles de facilitation, modération, tour de parole et compte rendu. Le résultat peut prendre une forme bureaucratique qui bouffe une énergie folle à rendre vivante, et qui n'est pas plus rejoignable pour beaucoup, tout en ayant quand même au passage pris un air plus démocratique. Pour exemple, l'Assemblée des usages. La suite est un extrait à part. Dans un moment de flou, le chef du CMDO a dit « Le pari de cette Assemblée des usages est une tentative d'hybridation entre deux fonctionnements, celui hiérarchisé de l'associatif et l'autre horizontal des assemblées. » Fermez les guillemets. Ah ouais, chouette alors. Une sorte de diagonale, quoi. Ça, c'est du jamais vu, non? Merci d'oser ce pari pour nous. Fin du petit encart posé au milieu du texte. Ce qui saute aux yeux dans cette assemblée des usages, c'est surtout la ressemblance à une sorte de conseil municipal, certes en plus moderne, avec son ordre du jour prédéfini, sa tribune de cadre et son cercle des participants et participantes importants et importantes. Et il y a ces quelques ploucs dont j'ai fait partie qui sont forcément à côté de la plaque quand ils et elles tentent de participer avec leurs questionnements sur ce qui est en train de se passer ou leurs coups de gueule, mais qui servent quand même au passage à donner la caution démocratique à la mise en scène. Et pour quelques-uns et unes qui siègent déjà ailleurs dans des conseils municipaux et autres instances politiques, ça doit être plutôt confortable et même excitant de vivre cette expérimentation de démocratie participative. Petite pause à nouveau. Perspective politique dominante. Dans la lutte contre l'aéroport, comme ailleurs, et donc aussi dans le mouvement d'occupation de la ZAD, différentes tendances politiques se côtoient, s'allient et sont en conflit. Aux côtés d'anarchistes, anti-autoritaires, antispécistes, féministes, écologistes radicaux, alternatifs et autres décroissants, deux tendances sont particulièrement fortes et organisées. Elles se sont alliées dans cette lutte parmi d'autres avec une approche alternative à l'intérieur du CMDO, au point qu'il pourrait sembler qu'elles ne font qu'une et ne se définissent pas elles-mêmes jusqu'à prétendre parfois ne pas exister vraiment. Donc pas facile de les voir et c'est probablement plus confortable ainsi. Tout en prenant en compte la diversité des personnes qui y sont liées, leurs conflits internes et le côté informel qui leur permet de nier une certaine cohésion, je choisis ici de les nommer quand même comme des tendances. Avec les années et la publicité massive qu'elles en ont fait, la ZAD est devenue une sorte de modèle incontournable qui séduit dans le mouvement contestataire en France, mais aussi bien plus loin. Pour cette raison, j'ai décidé de contribuer à mon échelle locale à une compréhension plus large. Je vais donner ici des éléments d'analyse et d'observation qui sont les miens, et donc partiels, mais issus d'innombrables discussions, ici et ailleurs. Je considère ceci comme déjà connu des services de renseignement de l'État, mais peu mis en commun publiquement en interne du mouvement contestataire. J'ai conscience que ce choix va contre les intérêts de ces groupes qui aiment être discrets sur leurs intentions et leurs existences. Pourtant, dans l'euphorie de la puissance, certains et certaines choisissent de se donner une visibilité individuelle et d'incarner cette lutte avec leur tronche dans les médias. Ce sont leurs choix, réformistes récents, qui m'incitent à les considérer du côté de l'État, et donc à les rendre plus visibles, en tant que force réactionnaire dans les luttes à venir. De plus, je connais leur usage local de la menace et de l'intimidation, et je me prépare donc à devoir y faire face. Mais je sais aussi que beaucoup d'autres sont déjà explosés dans cette position d'obstacle sur leur route. Et je les y rejoins. Je vais essayer ici de donner des pistes sur leurs deux perspectives politiques. Cette tentative a des limites dans une schématisation qui nie les individus et les définit contre leur volonté. Mais je juge que c'est un des rares inconvénients d'être dominant, et aussi qu'un plan grossier au crayon vaut souvent mieux que rien du tout pour s'orienter dans un brouillard politique du moment. D'un côté, on a la dynamique insurrectionniste, pardon, liée à ce que j'appellerais le parti imaginaire, puisqu'il s'est donné lui-même ce nom pour ne pas en avoir d'autres. On les appelle le plus souvent appellistes, en référence au livre Appel de 2001. Les publications de masse du Comité Invisible, ou bien celles plus élitistes de la revue Tycoon, semblent vouloir définir de grandes lignes politiques et stratégiques, et surtout séduire par une sorte de poésie d'un communisme romantique, avec un vocabulaire qui a tout d'une novlangue pour mieux envelopper un remix de discours déjà vu. Dans ce monde qui est décrit comme un désert, l'insurrection serait le bouleversement qui remettrait tout en jeu, à zéro, sans distinction de classe sociale ou d'autres rapports de domination. C'est plus simple comme ça. Pas besoin de s'y attarder à l'avance. Assez paradoxalement, il faut donc se préparer matériellement, enfin. Enfin, qui le peut évidemment, pour tirer son épingle de ce jeu. La recherche de puissance est le leitmotiv autant pour agir dans la situation insurrectionnelle que pour la provoquer éventuellement. Les moyens sont de constituer un réseau de lieux stables comme base arrière, en achetant de grandes propriétés réparties géographiquement, en montant des entreprises, en trouvant des mécènes, en postulant pour des fonctions électorales. Habiter est le mot d'ordre. Cela permet de s'allier matériellement avec des voisins, quelle que soit leur ligne politique, et d'en tirer la légitimité de prendre des initiatives politiques locales. Les partisans et partisanes se déplacent dans le réseau et sont invités à participer à des rassemblements ou à des moments de spectacles émeutiers organisés par leurs amis ou par d'autres. Leurs alliances prennent presque toujours la forme d'une cachette, que ce soit parmi les anarchistes dans l'émeute ou parmi la gauche dans des moments d'organisation. Dans tous les cas, ils cachent leur appartenance à une organisation, même informelle. Finalement, à force d'habiter et d'accumuler de la puissance matérielle, on peut se demander si leur réel intérêt à un renversement insurrectionnel a encore des raisons d'exister. De l'autre côté, sur la ZAD, on a la dynamique que je nommerais autonomiste, par sa référence systématique à ce courant politique des années 70 en Italie. Les personnes qui portent ça sur la ZAD ne sont pas représentatives d'un courant autonome actuel. De fait, elles n'ont pas besoin d'être nombreuses pour réussir à être influentes, tant certaines ne reculent devant aucun cumul de pouvoir pour arriver à leur fin. Dans le processus de légalisation de la ZAD, il est aussi souvent fait référence à des lieux précis, comme l'espace autogéré des tanneries à Dijon, déménagé, légalisé et financé par la mairie en 2016, ou Longomaille et son réseau de fermes coopératives à divers endroits. Le fonctionnement semble moins secret et plus rejoignable car plus diffus. Le but serait de propager l'autonomie comme une sorte de mise en pratique immédiate d'un communisme hors d'une structure de parti, par la constitution d'un réseau de lieux stables et autonomes au pouvoir, pardon, d'un réseau de lieux stables et autonomes du pouvoir et du capitalisme. Ces lieux d'expérimentation et de ressources peuvent être occupés illégalement, ponctuellement, comme lors de contre-sommets, ou bien acquis par des moyens conventionnels tels que la propriété privée, financée par la création d'entreprises ou par mécénat. Un autre moyen envisagé est de promouvoir et participer à des luttes de territoire, d'y constituer un rapport de force avec l'État en s'alliant avec d'autres groupes autonomes pour l'occupation illégale, l'action directe et la force matérielle, et réformiste pour la pression institutionnelle, afin d'aboutir à un compromis qui pérennise le lieu. Petit interstice. Il était écrit dans l'appel en 2001, ouvrez les guillemets, « Nous sommes du côté de ceux qui s'organisent », fermez les guillemets. Ah, et où vous voulez aller? Aujourd'hui, le nouveau générique pourrait être « Nous sommes du côté de ceux qui gagnent ». Félicitations. Alors, en route toute tracée, mauvaise troupe d'élite. Fin du petit interstice. Conclusion. Certains semblent s'accrocher au territoire comme le nouveau terrain de lutte à tout prix, probablement parce que la lutte des classes a perdu de son côté sexy dans ce coin du monde. On dirait qu'un nouveau sujet révolutionnaire est en train de sortir. Ce serait donc celui ou celle qui habite quelque part. Vaste programme. De mon côté, je pense que si cette lutte a beaucoup apporté pour un imaginaire de confrontation avec l'État, le capitalisme et tout ce qui les renfort, cet apport ne se trouve pas dans le lieu, la puissance matérielle et sa pérennité, mais dans les pratiques et les questionnements qui s'y sont joués. Ainsi, de nombreuses structures se sont développées et perfectionnées autour de la lutte contre l'aéroport, et participeront à inspirer loin et longtemps. Équipe et formation médique, comité anti-répression ou legal team, cantine de soutien, campement autogéré, radio pirate, atelier rap, mode d'organisation collective, d'action directe, ou d'un groupe de gestion des conflits sur la zone, réflexion, tentative, rencontre, solidarité, sur les dominations de genre, de classe, de race et d'âge, production collective de nourriture sans profit, ateliers de transmission de savoirs divers et variés. Des nœuds de liens se sont tissés entre toutes ces personnes qui sont passées par ici durant ces années de brassage intense et qui poursuivront leur route avec des bouts de cette histoire de lutte, ses succès et ses ratés, ses joies et ses rages. Sur la ZAD, novembre 2017. Épilogue. Février 2018, à chaud. Le mouvement contre l'aéroport est mort. Le Premier ministre a sonné la fin de la récréation. Il y a eu de belles accolades intercomposantes. Le champagne était prêt, et les caméras aussi. On aura un beau paquet de clichés historiques pour accompagner les carrières politiques de nos jeunes vainqueurs. Bref, une belle mise en scène, et tout a commencé à rentrer dans l'ordre dès le lendemain. Je souhaite ici m'attarder sur cette semaine de l'après-victoire pour participer à en laisser une trace parmi d'autres. Parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne, hein ? Alors autant prendre le temps d'en savourer les détails pour ne pas laisser tomber aux oubliettes si facilement. Pour commencer, je crois que l'abandon du projet était déjà acté depuis longtemps dans les hautes sphères économiques et gouvernementales. La question pour le gouvernement était plutôt quand l'annoncer pour pouvoir passer sereinement à la vraie phase problématique, celle de la reconquête de la zone de non-droit, honte de tout État qui se respecte. L'histoire de nos nouveaux vainqueurs préférera probablement retenir la pression de l'État pour justifier le geste du nettoyage de la D-281 par le mouvement lui-même, seulement 5 jours après la victoire. Mais la question, pour une certaine partie du haut du mouvement, était depuis longtemps comment permettre à l'État de montrer qu'il reprend le contrôle de la place. En fait, cette porte de sortie avait déjà été ouverte des mois auparavant par l'élite citoyenne du mouvement, quelques porte-paroles de la CIPA et des naturalistes en lutte, en offrant la route des chicanes en cadeau préliminaire à des négociations sur l'avenir de la ZAD. La D280 et ses barricades contre l'opération César en 2012, devenue Chicane, représentent un nœud de 5 ans de conflits multiples en interne de la lutte. De nombreux arguments ont été évoqués au fil des années pour nettoyer la route. Des voisins des bourgs alentours ont peur de passer et d'être racketés. Les chicanes ont dû être déplacées pour permettre aux machines agricoles de passer. Ouvrez les guillemets, la route, c'est un commun, c'est à l'État de s'en occuper. Fermez les guillemets. Et surtout, l'intention affichée par le mouvement d'aller négocier avec l'État nécessite d'avoir l'air sérieux et responsable. Les discussions à propos des négociations ne laissent la place à aucun autre choix. Disparue la fameuse diversité des tactiques qui forcerait pourtant le gouvernement à jouer fin face à différents adversaires, comme dans d'autres moments clés de cette lutte. N'était-ce pas là que devait résider notre force? Mais peut-être que l'unité du mouvement a elle aussi disparu derrière ces beaux discours. Alors que l'État montre tous les signes qu'il ne veut pas envoyer ses flics sur la zone, probablement pour préserver son image de la troisième voie pacifiée à la Macron. Ça a changé depuis, mais bon, je continue la lecture, pardon. Le mouvement ne trouve rien de mieux que de la lui garantir en faisant le travail lui-même et en urgence en plus. Un bon test pour voir qu'un simple discours en grande pompe et bien médiatisé suffit à déclencher la chute des dominos de la composition. Des préalables aux négociations à venir? Elles n'ont donc pas déjà commencé? Le nettoyage de la route, les coups de téléphone à la préfète? Mais au fait, qu'est-ce que les gens attendent donc de la négociation avec l'État français en démarrant aussi faiblement? Il y a trois conditions prévues par le mouvement. Le gel des terres agricoles, une entité issue du mouvement qui aurait la gestion de ces terres, et le refus des expulsions. Une quatrième semble sans arrêt en ballantage, c'est l'amnistie pour les inculpés de la lutte. Ah. Oui, et sinon? Ça va barder. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. De la part des professionnels de la négociation, comme les syndicalistes de la CONF, par exemple, il est difficile d'imaginer que les termes se choisissent au hasard. Ils savent qu'une vraie négociation se construit sur une stratégie de tension et en exigeant plus que ce qu'on croit pouvoir obtenir. Il est bon de se souvenir qu'avant l'annonce du gouvernement, il y avait déjà l'engagement du mouvement à dégager la route des chicanes et qu'il y avait trois conditions. L'abandon du projet, la fin de la DUP, la déclaration d'utilité publique, et pas de menace d'expulsion. De nouveau, on devine ici que la condition liée aux expulsions des squats est le leurre prêt à être lâché. Et ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure. En attendant, d'hypothétiques négociations. Une délégation du mouvement est en cours d'élaboration. Les occupants et occupantes se retrouvent maintenant à désigner, pour ne pas dire élire comme au collège, leurs deux copains délégués qui iraient négocier aux côtés de ceux de la cohorte de copains et des naturalistes en lutte. Après avoir tenté d'y imposer au moins un de ses membres, Le CMDO se déclarera-t-il enfin comme une composante à lui tout seul pour être sûr de participer à ce potentiel grand moment de la lutte? Alors, puisque les véritables termes de la tentative de négociation semblent agricoles, quels en sont les enjeux qu'on ne voit pas? Le processus de l'avenir des terres de la ZAD est principalement lié à la question agricole. Il rassemble des occupants avec des projets agricoles derrière Copain et sa légitimité de collectif d'exploitants. Copain est lui-même dépendant de la Confédération paysanne pour aller négocier face au syndicat concurrent FNSEA qui veut sa part du gâteau. Les élections de la Chambre d'agriculture auront lieu en janvier 2019. L'abandon de l'aéroport est l'occasion idéale pour avoir l'air d'un syndicat puissant et intransigeant. Sans surprise, la conf veut faire son beurre sur la lutte, récupérer des terres et des sièges à la Chambre. Mais pour que tout ça fonctionne, il fallait une démonstration de force en direction de l'État et du milieu agricole. Virer la route était cette démonstration de force, rondement menée, là où personne d'autre n'aurait su le faire sans heurts. De quelle négociation avec l'État s'agit-il quand il n'aurait qu'à laisser gérer le retour à la normale par des institutions agricoles et la vente des terres au domaine public? Après tout, peut-être que pour certains et certaines occupants et occupantes, faire front unique garantit suffisamment d'être couvert dans la suite par les paysans. Et pourquoi pas un appel à dons géants dans le vaste réseau citoyen pour la propriété de quelques fermes avec des projets particulièrement jolis jolis? Bon. Admettons pour l'exercice, peut-être était-ce ce choix à faire de promettre à l'État de nettoyer la route nous-mêmes pour qu'il fasse le pas d'abandonner le projet. Alors, qu'il donne des signes qu'il n'est pas prêt à expulser les bois et les champs, que ses flics sont fatigués et soucieux, que le projet est abandonné. Pourquoi tenir cette promesse? Soit, par preuve de bonne volonté, faisons l'effort d'imaginer encore plus loin. Peut-être était-ce quand même un choix à faire de ne pas lui donner l'occasion de lancer une opération d'expulsion par bravade à cause de la route. J'ai même entendu des gens argumenter que c'est pour éviter des morts dans une bataille qu'il fallait nettoyer la route. Pour ma part, l'histoire de cette route entravée en 2012 me rappelle surtout la détresse et l'impuissance dans le regard des flics chargés d'ouvrir la route pour la circulation de leurs troupes. Ils devaient revenir sans arrêt démonter nos barricades de fortune en nous voyant la refermer immédiatement dans leur dos avec tout ce qu'on trouvait dans les bois alentours. Je crois que l'enjeu, pour un certain nombre d'occupants et d'occupantes, dont le CMDO, qui était là pour nettoyer la route ces jours-ci, c'est surtout de ne pas braquer l'État, pour avoir leur propre chance de paraître respectables, de garder le soutien de quelques comités locaux qui se sont récemment dissociés publiquement de la route des chicanes, et trouver une petite place à l'issue du remaniement des terres. D'un autre côté, ne pas réagir à une opération policière sur la route serait venu ternir l'image radicale qui séduit tant. Extrait au milieu du texte. Une fange de 20 à 30 irréductibles zadistes épaulés par des anards de Nantes ne veut rien comprendre et refuse de partir de la route. C'est triste d'en arriver là, mais si ces anards continuent à jouer au con, Il faudra peut-être en passer par une journée de gaz lacrymogène. Les tracteurs n'iront certainement pas protéger cette bande-là, déclare la CIPA dans le Ouest France du 8 février 2018. Quelle place pour les autres occupants et occupantes dans tout ce jeu? Le retour à la circulation de la D281, son défrichage aux normes en vigueur par la DDE, ne sont pas le détail qu'on raconte. D'une part, parce que ça transpire le retour à la normale, et de la pire manière. D'autre part, parce que cette route était un lieu de vie. Elle a cristallisé toutes ces années beaucoup de conflits, et je ne nie pas que les responsabilités de tous bords dans cette situation. Et je ne nie pas les responsabilités de tous bords dans cette situation bloquée. Mais on ne peut pas traiter comme un simple symbole folklorique qui aurait fait son temps après avoir rempli son rôle dans les lignes romantiques de mauvaises troupes. C'est nier et mépriser qu'elle est au cœur de cette zone de dans la zone appelée l'Est. Son fonctionnement n'est pas centralisé, ses habitants et habitantes fréquentent peu les réunions de la ZAD. Son maquis de friche, appelé zone non motorisée, pour le refus de laisser entrer des tracteurs, a été arraché à la gestion commune et à la remise en culture des terres portées par la dynamique agricole du mouvement. L'Est, c'est un peu la banlieue de la ZAD, un endroit reculé, peu compréhensible et peu pénétrable, avec ses rêves et ses travers, plutôt hostiles à ceux qui veulent lui imposer ses règles. Bref, cette zone dérange, et ses habitants et habitantes aussi. Alors le nettoyage, c'est un peu d'une pierre deux coups, même si pas assumé. Dégager la route, c'est un peu comme tracer ces fameux sentiers de randonnée. Ça ressemble à des opérations de désenclavement, pour le bien de tous, évidemment. De nombreuses personnes, et pas seulement de l'Est, ne trouveront pas leur place dans la suite envisagée ici. Et une grande partie de celles qui en auront trouvé une ne sera pas gênée de leur absence, tant le mépris et l'agressivité sont déjà clairs. Le nettoyage de la route était l'occasion de s'en rendre compte. Il sera dit qu'elles sont parties lutter ailleurs, sur d'autres ZAD, ou quelques mythes de ce genre, pour valider que sont bien restées toutes celles et ceux qui le voulaient. Et probablement, trop peu de traces seront laissées pour gêner le bel avenir de la ZAD. Le refus de partir seul et en silence, comme tant d'autres, me pousse à écrire ça. Certains disent « Bon débarras, un obstacle en moins ». Eh bien, peut-être que partir donne justement la force de parler là où beaucoup sur place se sentent cernés et ont trop à perdre. Je sais que beaucoup d'occupants et d'occupantes ont toute leur vie là, ou nulle part d'autre où aller, et attendront d'être délogés de force ou à l'usure, et tiendront coûte que coûte jusqu'à l'écœurement pour ne pas lâcher les autres, ou tenteront de préserver un oasis dans l'ouragan de la recomposition. Je voudrais les soutenir dans leur tentative d'être indéracinables, comme les rejets qui repartent inlassablement après une coupe franche, comme les branches que l'on redépose sur le bitume nu, comme ça, paf, l'air de rien. Une chicane. De mon côté, il m'arrive de rêver d'une manif de désoccupation, comme d'un moment de départ collectif de cette lutte morte, une désertion publique pour ne plus servir d'épouvantail ou de caution radicale, à un projet de merde, pour faire trace de rupture collective, plus que de fuites individuelles, invisibles. Mais où s'exiler, à aussi nombreux et nombreuses? Ce texte tente de contribuer à une culture de cette lutte lucide sur les récupérations, prises de pouvoir et autres dégueulasseries que l'avenir nous réserve. Il paraît peut-être pessimiste, mais j'appellerais ça plutôt du réalisme. Et c'est mon point de départ dans ce monde. Je connais mon camp, et c'est le camp des perdants et des perdantes. Ah oui, c'est pas très civilisant pour fonder un parti, ça c'est sûr. Mais ça permet de se reconnaître avec pas mal de monde, quand même, et dans pas mal de contextes différents. Certains et certaines savent gagner. C'est peut-être leur point de départ dans ce monde. Et de là, ils et elles savent se reconnaître avec qui de droit. Mais puisque vous êtes des gagnants, ce monde est à vous. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt pérenniser vos lieux de vie, d'activité, de travail agricole ou autre, ailleurs que dans les luttes? Il existe beaucoup de moyens pour construire un avenir pérenne. Et vous les connaissez, vous y avez accès. Donc à faire des diagrammes de structures d'entités, de préfigurations, faites-le donc avec des terres de liens ou autres crédits coopératifs qui seront ravis de financer vos projets. Et grand bien vous fasse. Mais lâchez-nous la grappe avec vos grands discours révolutionnaires pour enrober tout ça. Tout le monde à ses débrouilles dans la vie, même si tout le monde n'a pas accès aux mêmes. Le problème, c'est d'en faire des actes glorieux de subversion, comme un mensonge à soi-même, qu'on crie sur tous les toits. Quoi? Ça fait du bien de le dire, ouais. Là, j'ai un peu besoin de dire vous. J'aurais aimé être fin et distant, mais j'ai pas tenu. La fin de la lutte contre l'aéroport sonne la retraite pour de nombreuses personnes qui n'iront pas plus loin contre son monde. Les structures d'organisation du mouvement semblent encore vivantes. Mais elles ont en fait changé de route avec celles et ceux qui les construisent, qui les conduisent. Après 2 semaines d'intervention, des machines de la DIRO et de centaines de gendarmes sur la D281, certains armés de fusils mitrailleurs pour dissuader du moindre débordement qui transmettrait de nouveau des images de guerre intérieure. Le fameux plan d'action décentralisé des comités en cas de début des travaux ou d'expulsion sur la ZAD n'a pas été lancé. Chacun et chacune de loin se demande ce qui se passe sur place, habitué à entendre le signal central qui ne vient pas. Le 10 février a été l'occasion de célébrer la fin d'une lutte longue et tenace. Des appels avaient été lancés pour que se retrouvent aussi, ce jour-là, des personnes qui ne s'arrêtent pas à cette victoire et aux miettes d'une négociation avec l'État. Le off sur la D281 a permis de sentir la curiosité, le doute et le soutien de nombreuses personnes venues de loin pour voir de leurs yeux et entendre de leurs oreilles ce qu'il se passe ici. Un bar et un infokiosque des perdants et des perdantes était installé sur le carrefour. Dans le pré voisin, on voyait s'étaler le campement chantier de construction de la massacrée, future cabane jumelle de celle détruite par la Libération de la route des chicanes et par le mouvement. L'après-midi, plus de 300 personnes ont participé à une discussion proposée in extremis autour des prises de pouvoir dans la lutte. Le lendemain avait lieu la réunion intercomité, dirigée par quelques mêmes éternels chefs du CMDO. Elle est sortie du cadre prévu de l'avenir brillant à cause d'un conflit fort parmi les comités autour du risque de normalisation en cours lié au choix de négociation avec l'État. On a pu voir ce week-end-là la première publication du CMDO, ZAD Will Survive, une glorieuse impression couleur sur papier recyclé distribuée en dizaines de milliers d'exemplaires. Décidément, nous n'avons pas les mêmes moyens. S'en suit un petit extrait. Nous sommes bien conscients du fait que toute légalisation comprend bien évidemment des risques de normalisation. Mais ce que l'on envisage prend plutôt le chemin inverse, créer des précédents qui continuent à repousser le seuil de ce que les institutions peuvent accepter. En espérant que ces coins enfoncés dans la rigidité du droit français servent à bien d'autres que nous à l'avenir. Extrait de ZAD Will Survive du CMDO. Cette proclamation tardive est une belle définition du réformisme. Décidément, nous n'avons pas les mêmes buts non plus. Le mouvement est mort. Vive la lutte. Nantes, le 12 février 2018. Un groupe insignifiant. PS, je vois bien qu'une photo et un blaze auraient pu me garantir à moi aussi une belle carrière politique, mais je suis plutôt mal parti, alors tant pis, hein, je trouverai bien un autre projet pour mon avenir. S'en suivent quelques annexes, enfin une annexe en tout cas, de ce que j'en vois. Je fais donc une petite pause à nouveau. Et le café est froid. Annexe donc. Le conflit sur la libération de la route montre à quel point l'unité était un leurre. Enfin, si on veut bien prendre en compte l'avis d'une bonne partie des occupants et occupantes. Et le processus qui a mené à ce nettoyage est lui aussi intéressant à observer. Les dernières semaines de la lutte contre l'aéroport ont été d'une intensité particulière, accrochée à l'imminence d'une énième décision gouvernementale. La tension provoque la précipitation. La pratique d'une sorte de gouvernement par l'urgence, qui était déjà le quotidien en interne de la lutte, a perdu sa subtilité et ses préoccupations démocratiques. Ce moment du dénouement a le mérite de révéler brutalement ce que de nombreux et nombreuses troubles faites dénonçaient depuis longtemps. Une chronologie suffit parfois à en dire beaucoup. Le mercredi 17 janvier, le communiqué de presse du mouvement est modifié, sans validation, par quelques chefs de 2 heures après l'abandon du projet. Cette phrase est ajoutée. Ouvrez les guillemets. En ce qui concerne la question de la réouverture de la route D281 fermée par les pouvoirs publics en 2013, le mouvement s'engage à y répondre lui-même. La présence ou l'intervention policière ne ferait donc qu'envenimer la situation. Fermez les guillemets. Le jeudi 18 janvier, l'AG exceptionnel de ce lendemain qui chante faux a été l'occasion d'un putsch assumé comme rarement par Copin et la Corde en imposant de rendre à l'État la route des chicanes dégagée dans une semaine, malgré la condition posée dans l'AG précédente qu'il n'y ait pas de menace d'expulsion. Le CMDO prend la même position. Le samedi 20 janvier, des négociations qui ne disent pas encore leur nom ont lieu au téléphone entre la préfète et un chef de Copin qui dit qu'elle accepte que la cabane de l'âme fâchée reste. Le dimanche 21 janvier, les gens du quartier autour de la route se réunissent pour faire face au chantier du lendemain. Le lundi 22 janvier, environ 200 personnes viennent joyeusement à l'appel du mouvement pour nettoyer la route, et beaucoup se rendent compte sur place qu'il y a de l'opposition, notamment autour de l'épicerie du Sabot, qui ne pourra pas être détruite sans heurts. Ce jour-là, à mesure que les carcasses fleuries et les réserves de pneus disparaissent, on observe le relais de la pression de l'État qui descend en ligne directe sur la route par la Cohorde respectable, Copin qui agit, le CMDO qui soutient, et une foule de personnes médiatrices pour que tout se passe bien, qui dialogue avec les gens qui résistent. Une œuvre exemplaire, instantanée, de la composition du mouvement. Pendant ce temps, dans les alentours, quelques compagnies de flics se tournent les pouces avec grand fracas médiatique. Le mardi 23 janvier, le chantier reprend et le Sabot est démonté par des gens du quartier eux-mêmes en espérant ainsi garder l'âme fâchée. Pendant ce temps, oh surprise, Copin annonce que la préfète veut finalement aussi la destruction de l'âme fâchée. Le soir, une réunion exceptionnelle des habitants et habitantes montre que le consensus est loin sur la destruction. Le mercredi 24, l'AG est mieux verrouillée que jamais et le point sur la D281 n'est pas un débat. Copain menace de quitter le mouvement si la route n'est pas entièrement dégagée demain. Jeudi 25, au matin, alors que des personnes sont sur le toit et à l'intérieur de la main fâchée, une trentaine de mecs du CMDO et leurs amis de la maison de la grève de Rennes commencent à démonter la cabane avec pied de biche et marteau. Sous le regard d'une cinquantaine de personnes qui discutent et transportent les morceaux en souriant, une vingtaine de personnes réussissent à arrêter cette situation en montant aussi sur la cabane et en leur criant de partir et de les laisser vivre ça seuls. Après une assemblée à une quarantaine dans la cabane sans toit et un simulacre de négociation, le nettoyage et le démontage sera de nouveau fait par les gens eux-mêmes dans l'après-midi, avec l'idée d'en reconstruire à 15 mètres dans le pré. Le vendredi 26, la voiture de la préfète passe sur la route accompagnée de ses sbires d'intervention et de quelques chefs du mouvement. Elle boit ensuite, avec eux, un verre de champagne et reconnaît leurs efforts comme une inspectrice qui distribue les bons points à des instituteurs qui ont bien géré leur classe malgré les quelques potages qui ont montré leurs fesses dans les buissons. Putain, merci à eux. Et l'hélico qui avait l'air de chercher obstinément quelque chose dans les bois. Cette semaine-là, même les moyens de communication par Internet semblent avoir été perturbés par les événements. Plusieurs textes critiques du nettoyage n'ont pas été publiés sur le site ZAD.nadir, ainsi que sur la liste intercomité qui est passée soudainement d'une publication directe à une modération pour filtrer les positions gênantes. En parallèle, la page Facebook qui, elle, n'est pas administrée par des occupants et occupantes, s'est mise en grève. Reste le site nantes.indymedia qui continue d'héberger une longue suite de textes qui ruent dans les brancards et qui nourrissent la rébellion. Allez donc y faire un tour de temps en temps pour y lire d'autres voix. En vrac. Quelques raisons pour lesquelles je ne participe plus à cette lutte. La sensation d'être utilisé, mon engagement, mon énergie, mes liens, ma sincérité et mes infos à des fins cachées et ennemies. La sensation d'œuvrer à sauver une situation pendant que d'autres en profitent et l'orientent. La sensation de participer à un spot publicitaire par saison et épisode pour régénérer un imaginaire révolutionnaire sur la base d'une histoire réécrite en direct et remplie de fantasmes. La contradiction permanente et nuisible entre l'idéal collectif de l'autonomie et la névrose individuelle du contrôle total sur le chemin pour y tendre. L'évidence de l'insurrection comme un moment dans lequel il est possible de prendre l'avantage, surtout si on l'a déjà, cet avantage, et qu'on se précipite. L'évidence de l'insurrection comme un moyen dans lequel il est possible de prendre l'avantage, surtout si on l'a déjà, et qu'on se préoccupe juste d'un petit entre-soi élargi à ceux qui s'en sortent déjà plutôt bien. Je refuse de me sentir flatté et valorisé par une place dans l'élite. Ma colère d'avoir appris à craindre d'être sincère pour ne pas être bouffé par l'autre, ses mensonges et sa stratégie. Et la confusion de ne plus savoir nommer les conflits politiques à force de voir les mêmes personnes et leurs pratiques et ces innombrables doutes d'être manipulés quand j'entends déjà que c'était pas exprès, faut pas être parano non plus. Moi, j'avais choisi de venir vivre ici parce que cette lutte me semblait être un bon endroit d'où tenter des trucs différemment. Pour mettre des bâtons dans les roues de ce monde de merde, là où il ne s'y attend pas. Pour moi, c'était une tentative d'esquiver l'écologie, trop facilement récupérable, parce que c'était juste un aéroport parmi des centaines et pas une de ces fameuses centrales nucléaires avec ces écolos qui proposent des parcs éoliens à la place. C'était aussi une manière de zapper le mythe de la mère nature, à cause du paysage de bocage par définition totalement maîtrisé et fonctionnel. Et de tenir à distance le retour à la terre des bobio, parce que la ZAD est face à un plan d'expansion urbaine massive, avec peu de place pour des rêves de potager. Ah, loup douce! Petit bébé joli joli que tout le monde a qu'à se faire comme nous. En tout cas, pardon, tout ça, en se connectant à d'autres réalités, de ce que la ville d'à côté concentre et produit, de rapports d'exploitation, de contrôle, de manipulation démocratique et citoyenne, de mépris d'uniformisation, de répression et de ségrégation. Bon, vu de maintenant, ça a de quoi faire rire ce que je raconte. Voilà, c'était la lecture de la dernière page de ce fascicule, de ce feuillet qui est apparu sur Internet, sur les sites zad.nadir.org. Je l'ai aperçu aussi passer sur Indymedia et je crois ailleurs aussi. Et c'est tout, j'ai rien à ajouter. Si, immense merci à la personne qui a pris le temps d'écrire tout ça, et bonne route.